Vous êtes de retour à votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je nomme François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Chèque FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Alors, nous en sommes à l'édition du 3 juin 2010 et puis cette semaine, nous avons une grave émission. Je suis, si vous me demandez est-ce que ça va bien, non, ça va pas bien, ça va pas bien du tout. Je vous mentirai pas, là, ça va pas bien du tout. On va parler de quoi? On va parler de pétrole, on va parler un petit peu d'actualité mondiale, et puis après ça, on va toucher à des sujets assez lourds comme la Corée du Nord et ce qui vient de se passer dans le golfe proche de la côte d'Israël et puis de la bande de Gaza, avec la flottille de la Liberté qui vient d'être attaquée par Israël. Alors, sujet absolument explosif. Je vais vous donner deux volets là-dessus sur ce qui s'est passé avec Israël et puis la flottille de la Liberté qui amenait des denrées pour la bande de Gaza, qui a été attaqué en eau internationale, qui a fait pas mal de dégâts. On parle d'une vingtaine de morts, soixantaine de blessés. Je vais vous donner ça à deux volets. Le premier, c'est que je vais vous donner des données là-dessus. Je vais vous donner des faits, ce qui s'est passé. Et puis après ça, je vais vous dire ma façon de penser. OK? Parce que là, évidemment qu'on a affaire à tout un sujet chaud et explosif. Et puis, vous penserez bien ce que vous voudrez. Je sais qu'il y en a qui sont bien indignés par ce qui s'est passé. Il y en a qui vont se mettre à défendre Israël là-dedans. Chacun a ses motifs, chacun a ses raisons, chacun a ses justifications. Moi, je vais vous dire ma façon de penser. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je vais vous la dire en maudit par ma façon de penser. Et puis, on va clore le sujet là-dessus. Ça devrait être déjà en masse pour l'émission. Je me demande même si ça ne va pas exploser jusqu'à 2 heures. On va voir comment ça va aller. C'est une émission très importante. Alors, ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien, chers auditeurs. Je suis vraiment, disons, renversé, bouleversé par ce qui s'est passé, puis par ce que j'entends, par ce qu'on m'écrit. Et puis, à un moment donné, on va falloir mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et puis, dire les choses telles qu'elles sont. Et si vous êtes à l'écoute de L'Autre Monde, ça fait longtemps que vous l'êtes. Vous savez ici qu'on ne prend pas les 4 chemins pour dire les choses telles qu'elles sont. T'écris des faits, t'écris des choses. On dénonce des affaires qui n'ont aucun sens, des affaires criminelles, des affaires qui sont immorales. Parce que il n'y a qu'une façon de vivre, chers auditeurs, c'est d'être debout. Mieux vaut mourir debout qu'être à genoux. Et puis d'être des esclaves. Et puis de tolérer l'injustifiable et l'innommable. Donc, ce que vous allez entendre ici sur l'autre monde, probablement que vous ne l'entendrez pas ailleurs, ou en tout cas à de très rares places. Et puis, il y en sera ce qui en sera. OK? Alors, on va y aller avec l'actualité. On va essayer de défricher ça. Vous allez voir que l'émission se tient quand même d'un bord à de l'autre. Là, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations qui vont avoir des conséquences, un coup tout additionné ensemble. Même dans les nouvelles d'actualité, vous allez voir là des affaires assez pesantes. Premièrement, je vous invite à aller voir les nouvelles internationales, qui est mon blog personnel, sur lequel vous allez trouver des nouvelles assez intéressantes à découvrir cette semaine. Vous allez découvrir des documents qui prouvent l'existence de l'arsenal nucléaire israélien. Alors, on a des documents officiels, ça a tout été publié. Israël qui a essayé de vendre des bombes nucléaires à l'Afrique du Sud durant le régime de l'apartheid. Alors, ça, c'est maintenant tout documenté. OK? Alors, Israël qui fait non seulement de la prolifération nucléaire. OK? C'est pas juste seulement avec l'Afrique du Sud que c'est passé, mais au moins, là, on a les preuves avec ce pays-là. Toutes les preuves étalées, allez voir ça. C'est dans les médias de masse. C'est rendu public. Mais non seulement aussi, ça prouve qu'Israël a bel et bien des bombes nucléaires, un arsenal nucléaire. OK? Vous allez trouver un article aussi sur les énergies diverses alternatives dans ce qui se passe dans le golfe du Mexique avec ce geyser de pétrole, ce volcan. Écoutez, les mots manquent. Je veux dire, c'est absolument débile ce qui se passe là-bas. On va parler de cette situation-là aussi dans l'émission, le pétrole. Écoutez, c'est tellement hallucinant la quantité de pétrole qui se déverse dans le golfe. Je veux dire, quand je vous dis ça va pas bien, ça va pas bien, là. Je veux dire, il y a ce qui se passe en ce moment est complètement dévastateur. Il va falloir se regrouper puis être très fort intérieurement pour passer au travers de ça, là, parce que je veux dire, il est temps qu'on donne un sérieux coup de volant là, au niveau de l'humanité, là. On passe à la prochaine étape évolutrice parce que là, si on continue de même, là, le mur il se rapproche vite en Simonac, là. Des énergies diverses, alternatives, de toutes sortes, il en existe. Ça fait au moins 100 ans qu'on serait censé être en train de fonctionner sur des énergies libres et infinies, OK, des énergies propres. Mais le cartel de l'énergie aime pas ça et puis nous empêche d'y arriver depuis aussi longtemps. Puis après ça, on vient vous blâmer d'utiliser encore des voitures à essence. Complètement ridicule, mais c'est comme ça. Donc, allez voir ça, cet article-là, parce que des solutions, il y en a. Je veux dire, il s'agit qu'on s'éduque et puis qu'on les réclame, ces choses-là, hein, qu'on se met à les produire en masse et puis qu'on passe à d'autres choses. Okay? Vous allez trouver toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, allez voir ça. Il y a un article aussi qui relate. Bon, c'est un ancien correspondant, okay, un ancien journaliste, Alan Hart. Qui est écrivain, qui est ancien correspondant en chef du Independent Television News au Moyen-Orient, ancien présentateur de la BBC Panorama, spécialisé dans le Moyen-Orient, qui a écrit plusieurs livres aussi, dont la biographie de Yasser Arafat. Il a récemment achevé aussi la trilogie Sionisme, le vrai ennemi des Juifs. Alors, c'est ça, le vrai ennemi des Juifs, c'est les sionistes, c'est quasiment eux-mêmes. Dans un article récent discutant du livre, Hart a affirmé que les Américains ne seront pas suffisamment au courant de la vérité de l'histoire. Aucun président américain ne sera en mesure de briser l'emprise du lobby sioniste sur le Congrès. Il y a une entrevue à l'émission de Kevin Barrett que vous pouvez entendre. Et puis, cette personne-là, qui est, bon, écoutez, hautement crédible, là, parle du fait que, justement, le Mossad est impliqué dans le 9-1. OK? Alors, c'est sûr que ce n'est pas juste le Mossad. Vous avez des éléments du gouvernement américain, de la CIA. Okay? Vous avez sûrement des éléments aussi du complexe militaro-industriel américain qui sont impliqués là-dedans. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Israël, via le Mossad, est impliqué dans le 9-1. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, allez voir cette entrevue-là, très important. Ça fait suite à ce qu'on parlait aussi d'Alan Sabrowski, qui est un ancien professeur, l'ancien directeur du du Army War College aux États-Unis. Donc, des très hautes pointures qui sortent aujourd'hui et puis qui révèlent ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent. Alors, des articles chocs à les consulter. Ensuite, ben écoutez, là, on va y aller avec une petite affaire pendant que c'est l'été, là, une petite parenthèse pour vous annoncer une chose, c'est l'été, il fait chaud, les gens vont dehors, se mettre de la crème solaire, et puis j'avais déjà publié un article sur les nouvelles internationales aussi, puis les 7 du Québec l'année passée concernant les crèmes solaires. Donc, faites une petite recherche, là, les 7 du Québec avec crème solaire, vous allez trouver ça, c'est certain. Et puis, je vous y explique comment ça se fait qu'il faudrait cesser d'arrêter d'utiliser des crèmes solaires parce qu'en réalité, c'est elles qui vous donnent le cancer avec un paquet de produits chimiques là-dedans qui sont cancérigènes aussi. Le corps peut produire une genre de crème solaire interne, si vous voulez, en mangeant bien de la vitamine A qui va se transformer en vitamine D ou prenez juste des suppléments de vitamine D de bonne qualité. Et puis, ce qui va arriver, c'est que cela va vous protéger des rayons du soleil. C'est sûr qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être sans dessin, là. On ne s'en va pas au soleil s'exposer pendant 2 heures à midi, là. OK? Si on respecte des petites périodes, là, de 15, 20, 30 minutes, il n'y a aucun problème, en autant que votre taux de vitamine D dans le sang soit élevé. Puis ça peut prendre jusqu'à un mois avant d'élever, là. C'est assez lent, c'est graduel. Donc, allez-y progressivement, mais je veux dire, si vous utilisez des crèmes solaires, au moins utilisez des crèmes solaires dont vous êtes certain qu'ils contiennent aucun produit chimique et qui soit cancérigène. On parle là, du parabène, toutes sortes d'affaires comme ça, méthyléthylène, des affaires comme ça qui sont cancérigènes et puis sont absorbées dans le système par la peau via les pores et vous savez, ça se retrouve dans votre système, donc c'est vraiment pas bon. Donc, dans une autre nouvelle, ici, on parle du cirque du G8 ou du G20 qui sera en ville avec toute la cavalerie. Ça, c'est un article que j'avais publié aussi sur les 7 du Québec. J'en avais parlé. Vous savez, ce mois-ci, on est rendu au mois de juin, là. Donc, le G8, le G20 vont se rencontrer à Toronto. Et puis, je vous avais parlé que c'était pour être, oui, une certaine. Un défilé d'une cavalerie, d'un état policier sans pareil. On va avoir un état de sécurité qui va coûter autour de 1 milliard de dollars, j'en parlais la semaine passée, 1 milliard de dollars. Ben oui, on va 1 milliard de dollars pour protéger un petit cercle de gens d'une clique hein, qui sont en pleine collusion ensemble, collusion pour avancer l'agenda néolibéral de la droite, OK? Des marchés financiers, des banquiers privés. Et puis nous autres, il va falloir payer 1 milliard de dollars pour les protéger. Donc, ça, c'est complètement débile. Et puis 1 milliard de dollars, vous savez, de la sécurité, ils vont en avoir. Vous avez des articles ici, même des vidéos, la police de Toronto qui se prépare pour une guerre urbaine, ni plus ni moins, pour une guerre urbaine lors du sommet du G20. Ça va brasser en Simonac, OK? On a même mobilisé des camions qui fonctionnent avec des armes à ultrasons, OK? Donc, des armes de contrôle de la population, des contrôles des foules. Donc, vous êtes l'ennemi et puis on est en train de déployer de la machinerie militaire pour vous contrôler lors du sommet du G20. Imaginez, dépenser 1 million de votre argent pour ça. C'est absolument fantastique. Vous avez un article ici, une vidéo, Alex Jones, qui parle d'une conspiration canadienne. Comme je vous dis, Alex Jones, ça, c'est pas tout le temps la meilleure des sources, là, mais il y a des choses sur lesquelles il se penche et puis qui méritent notre attention. Et puis ça, c'est le fait que le gouvernement canadien a été attrapé les culottes baissées, a payé un groupe de médias pour surveiller les discussions politiques sur la blogosphère, sur Internet, OK, et puis de répondre à ce qu'ils appellent, eux autres, la désinformation. Avec la propagande qui est approuvée par l'État. Alors, ça, c'est un des derniers scandales à frapper l'administration de Harper. Et puis, ça fait des années que c'est comme ça. Ça vient pas juste là d'arriver. Là, écoutez, c'est certain que ça fait des années que ça se passe. OK? Donc, ben oui, on surveille les discussions politiques. Et puis, écoute, je veux dire, c'est pas plus compliqué. On arrive sur Internet et puis. On joue avec ça, OK? Donc, c'est pas la liberté d'expression puis tout, là, je veux dire, attendez, là, vous avez un gouvernement qui vous espionne, là, qui vous surveille, là, vous êtes considéré comme étant l'ennemi, c'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, la police de Toronto, ici, vous avez l'article, là, qui documente là, le fait qu'ils ont mobilisé des systèmes acoustiques à longue portée, okay, donc qui vont être utilisés ce mois-ci, des canons de son qu'on appelle. Alors voilà. Il y a eu une manifestation contre les criminels de guerre, Netanyahou aussi. Gros mot, excusez-moi, le Netanyahou, criminel de guerre. OK, si vous pensez pas que c'est un criminel de guerre, c'est correct, là. C'est correct, c'est correct. Aucun problème. Netanyahou, c'est un homme de paix. Il veut la paix. Il n'a jamais commis aucun crime de guerre. Aucun problème. Alors, vous avez eu le 31 mai dernier des manifestations qui se sont passées à Montréal. Alors, je vais en parler. On va en entendre parler plus au courant de l'émission de toute cette histoire. Vous avez une vidéo ici sur les jugements de Nuremberg, les jugements de Nuremberg des nazis qui sont peut-être une bonne chose à se rappeler à la lumière de ce qui se passe au niveau mondial, surtout ce qui se passe au Moyen-Orient. OK? Parce que là, on a mis en place des lois internationales. On a jugé des gens pour certains actes qu'ils ont commis, des agressions non provoquées, punitions collectives, des exactions contre des civils qu'on a punis sévèrement, même jusqu'à avec la peine de mort. Mais on se retrouve aujourd'hui en 2010 avec des doubles standards. On a un côté établi des lois internationales, mais ça a l'air que ça s'applique pas pour tout le monde, ces lois-là. Ça a l'air que ça dépend d'où tu viens, ça dépend de ta nationalité. OK, ça dépend qui. OK, parce que pour certains, la loi s'applique, pour certains, ça ne s'applique pas du tout. Donc, ce serait peut-être bon de se rappeler c'est quoi les jugements de Nuremberg. Vous avez une vidéo ici. Ce serait peut-être bon de se rappeler c'est quoi la loi internationale, puis de se rappeler que la loi, ça s'applique à tout le monde de façon égale. Si ça ne s'applique pas à tout le monde de façon égale, ben il n'y en a pas de loi. OK? Donc, quand je disais ça va pas bien, ben, ça va pas bien. Allez comprendre un peu plus loin dans l'émission. Vous avez un article ici de 51 choses que vous ne pouvez pas trouver sur Google Maps. Alors, sur l'option de carte là, de Google, sur le moteur de recherche, vous avez certaines places qui ne sont pas visibles. Et puis, c'est intéressant de savoir quelles sont ces places. Alors, vous allez pouvoir trouver ça dans cet article. Toujours disponible sur les nouvelles internationales, puis les nouveaux ici. Okay? Sur les nouvelles internationales, c'est le blog personnel que j'opère. Et puis, une fois par semaine, ben, je vais mettre, en même temps que l'émission est produite, je vais mettre des sources dont je discute ici. Et si vous avez deux articles très importants à aller voir, dont un qui a été publié dans The Washington Post, où on apprend que deux anciens officiels de la CIA ont admis avoir créé des fausses vidéos de Bin Laden. Eh bien, quelle surprise incroyable! Si vous étiez à l'écoute de l'autre monde depuis quelques années, ça fait longtemps que vous le saviez. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Ça fait longtemps que des experts ont déjà établi qu'à peu près toutes les vidéos, c'est pas toutes les vidéos qui ont été produites par le supposé Bin Laden après 2001, sont des fausses. Mais écoutez, des fois, il faut attendre que ça sorte de la bouche même des coupables. Alors, ça vient maintenant de deux officiels de la CIA. Qui, dans des détails qui sont décrits dans le Washington Post par un reporter d'enquête et puis un ancien officier de l'armée et puis du renseignement de l'armée, OK, qui ont révélé que depuis 2003, la CIA mène des opérations comme ça pour créer des faux vidéos de Saddam Hussein, dont un qu'ils avaient planifié où il se déguiserait en Saddam Hussein qui s'engage en des actes sexuels. Alors, pas juste Bin Laden, on fait des vidéos fake de n'importe qui qu'on veut démoniser. Alors là, on avait pensé même à produire une vidéo, celui-là, il n'a pas été fait, mais les plans étaient là, de se déguiser en Saddam Hussein qui s'engage dans des actes sexuels avec un jeune adolescent garçon. Et puis après ça, envoyer toutes les copies de ça à travers l'Irak pour essayer d'indigner les gens. Ah, ben, gadon, ça. Tellement surprenant. Alors, allez trouver ça, ces deux articles-là. Vous allez comprendre peut-être que Bin Laden, depuis 2001, il est mort. Ça fait longtemps qu'il est mort, Bin Laden, mais on a besoin, un peu comme dans 1984, d'avoir un épouvantail, quelqu'un, un ennemi à brandir pour justifier les guerres, pour justifier nos politiques. Okay? Un faux ennemi illusoire, fantomatique, après lequel une chimère, on va courir. Incroyable. C'est ça qui se passe. Là, vous avez la série qui vous le dit, bedang, direct d'en face. Eh ben, c'est tellement surprenant. Le Japon, ça va pas bien non plus. Vous savez, ça fait quelques semaines d'affilée que j'en parle ici. Vous avez les gens qui habitent à Okinawa qui ont manifesté en masse Même le dernier gouvernement japonais a été élu avec des promesses de sortir la base militaire de l'île d'Okinawa. Et puis finalement, on a tordu le bras au Japon avec ce qui s'est passé entre l'incident de la Corée du Nord et la Corée du Sud. On a un peu terrorisé les Japonais et puis on leur a tordu le bras. Et puis là, on a fait prendre une décision bien controversée au gouvernement japonais. Et puis ça va entraîner des conséquences. Ça va entraîner des conséquences que la majorité des Japonais vont être très fâchés contre leur gouvernement qui ont fait des fausses promesses. Et puis maintenant, vous aviez une coalition qui était formée dans ce gouvernement-là. Et puis là, vous avez le Parti social-démocrate japonais qui vient de décider de quitter la coalition exactement par rapport à cette présence controversée militaire américaine dans le pays. Alors, le Japon, qui depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est encore sous occupation militaire américaine, pour dire les choses telles qu'elles sont, ainsi soit-il. On va terminer avec le petit volet du pétrole, et puis après ça, on va prendre une pause musicale, et puis on va revenir ensuite, on va parler de la Corée du Nord. Après ça, on va parler un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient, de l'histoire de l'arsenal nucléaire d'Israël, de la prolifération. Après ça, on va prendre une autre pause. Après ça, on va revenir avec le dernier volet, la cerise sur le sundae, ce qui s'est passé entre Israël et puis la flottille de la Liberté qui a été prise d'assaut par les commandos israéliens qui sont montés à bord. Et puis là, il s'est passé une escarmouche qui s'est terminée avec la mort d'une vingtaine de personnes de la flottille. On va vous dire un peu ce qui s'est passé. On va vous dire ma façon de penser aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. OK? Alors, ce qui se passe avec le pétrole, ben écoutez, ça continue le pétrole. On se demande réellement si BP veut réellement mettre une fin à ce puits de pétrole-là parce que toutes les tentatives qu'ils essaient de faire se résument à une chose. Ils n'essayent pas de boucher ce trou-là. Ils essaient en réalité de reprendre contrôle de la fuite pour pouvoir canaliser le pétrole à la surface, récupérer le pétrole et puis nous le vendre avec des profits de milliards de dollars. C'est ce que BP essaie de faire. Donc, BP n'a pas à cœur de fermer et puis d'arrêter ce volcan de pétrole dans le golfe du Mexique le plus vite possible, parce qu'il pourrait probablement le faire demain matin. BP s'entête à vouloir protéger ses profits, protéger le gisement de pétrole, et puis essaye de faire, d'amener des solutions pour canaliser ce pétrole-là au lieu de l'arrêter, au lieu de boucher simplement le trou. Ça, c'est ce qui semble ressortir de plus en plus de ce qui se passe là. C'est mon analyse. Considérer ça comme une opinion, mais regarder toutes les solutions qui sont faites, le cône, le tuyau qu'ils ont voulu insérer dedans, on a voulu essayer de mettre ce qu'on appelait le top kill, donc juste essayer de mettre une valve là-dessus. OK, on n'essaye pas de fermer le trou coûte que coûte, on fait juste essayer de faire un moyen qu'on peut contrôler ça. All right? Là, vous avez un article assez spécial ici qui nous apprend, en fait, c'est une vidéo qui nous montre que ces affaires-là, ce n'est pas la première fois que ça arrive, des déversements de ce type-là. Okay? En même temps que BP a un désastre dans le golfe du Mexique, BP a eu aussi une fuite en Alaska. Et puis, ce même scénario-là, les deux fuites aux deux mêmes endroits, s'est passé en 1979. Incroyable. Avec l'ancienne compagnie Transocean qui opérait la plateforme de Deepwater Horizon qui a explosé dans le golfe du Mexique. Okay? Dans le temps, en 1979, elle portait un autre nom, cette compagnie de Transocean. Mais c'est la même compagnie qui avait causé un des plus grands, ben en fait, le plus grand désastre jusqu'à date, plus grand désastre écologique de pétrole, de déversement de pétrole, à peu près au même endroit, dans un projet qui s'appelait X-TOC. Okay? Alors, on a eu une fuite, même affaire. On a percé un trou dans un réservoir qui a régurgité sous haute pression du pétrole dans le golfe pendant 9 mois. Ça a pris 9 mois avant qu'ils prennent contrôle de ça. Les mêmes acteurs aujourd'hui, BP aussi qui avait eu une fuite sur les côtes de l'Alaska en 1979, qui passait dans les médias en même temps, bang! 21 ans plus tard, la même chose se reproduit encore une fois. On utilise toutes les mêmes solutions qui n'ont pas marché avant. Alors, vous allez voir les anciens clips des médias de 1979, c'est frappant, c'est hallucinant, c'est à vous péter la tête d'un mur. C'est le même scénario qui se reproduit, les mêmes solutions qui sont appliquées avec les mêmes résultats qui ne fonctionnent pas. C'est hallucinant de voir ça. Des gens complètement irresponsables qui ont déjà causé ces affaires-là, qui sont permis de continuer à faire les mêmes affaires, et puis qui reproduisent les mêmes erreurs, et puis sont en train de battre le record de 1979 avec ce qui est en train de devenir la pire catastrophe, le Tchernobyl américain dans le golfe du Mexique. La pire catastrophe écologique de toute l'histoire des États-Unis. Incroyable. Vous avez un article ici de Global Research de 10 choses que vous devriez savoir, mais que vous voulez sûrement pas savoir à propos de ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Un article assez important. Aujourd'hui, vous avez les officiels de BP qui admettent que on a environ 60 000 barils de pétrole, soit 2,5 millions de gallons qui se déversent dans le golfe à chaque jour. C'est fantastique. Les médias corporatifs qui essayent de filmer ce qui se passe, okay, d'écrire des articles, ne sont pas capables, d'un côté, de rapporter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la vraie ampleur des dégâts. Et puis, d'un autre côté, vous avez d'autres médias aussi qui cherchent à le faire, puis qui sont interdits par BP. Qui donne des ordres à la garde côtière des États-Unis. Incroyable, ça, je ne savais pas qu'il y avait une chaîne de commandement qui allait dans ce sens-là. Alors, BP qui contrôle la politique de ce qui se passe dans le Golfe et puis interdit aux médias de filmer et puis de documenter ce qui se passe. Alors, on refuse l'accès aux journalistes des plages qui sont complètement dévastées et puis de prendre des photos et puis même de prendre l'avion au-dessus du Golfe et puis de prendre des photos à moins de 3 000 pieds d'altitude. Donc, ça, on parle de 1 000 mètres d'altitude. Donc, BP, supposément, contrôle le golfe du Mexique et puis interdit que les médias rapportent sur ce qui se passe réellement. Alors, vous avez 10 choses à savoir. Vous avez le propriétaire de la plateforme Transocean, qui était le propriétaire du Deepwater Horizon, qui a été loué par BP, qui, elle, n'est pas trop dans les médias. Et puis, cette compagnie-là a déjà fait 270 millions de dollars avec cette catastrophe, avec ses assurances. C'est fantastique. Alors, c'est pas vraiment difficile de miser, hein, sur les catastrophes quand vous savez que c'est assuré puis que vous allez même en profiter. Et ça pousse les compagnies vraiment à être responsables pour l'environnement. C'est vraiment fantastique. Deux, vous avez ici dans cet article-là une liste d'un passé très peu reluisant de BP, qui n'a pas un passé très reluisant par rapport à ses mesures de sécurité puis son travail. Okay? Alors, vous avez ici un paquet d'exemples qui montrent des anciens désastres de BP qui, dans les dernières années, ont causé des fuites de pétrole un peu partout, qui ont intoxiqué des travailleurs et puis qui ont coûté énormément d'argent et puis niqué des pièces d'environnement assez importantes. Ensuite, vous avez une chose à réaliser, c'est que les coûts d'opération de BP puis des compagnies pétrolières incluent des déversements de pétrole comme ça. OK? Ce que ça va coûter en ce moment, on est rendu à peu près à 1 milliard de dollars. Ce que ça a coûté à BP, c'est des peanuts. Ça fait partie de leur budget. OK? Dans le premier quart financier, BP a posté des profits de 6 milliards de dollars, juste dans un quart d'année. 6 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que vous voulez bien que ça leur fasse, eux autres, qui viennent saloper le golfe du Mexique au complet en tuant probablement toute la chaîne alimentaire, une bonne partie de toute la vie qui s'y trouve, des répercussions, des conséquences environnementales qui vont avoir des conséquences pour des dizaines d'années. Qu'est-ce que vous voulez bien que ça leur fasse, que ça leur coûte 1 milliard de dollars, 2 ou 3 milliards de dollars, quand juste en 3 mois, ils peuvent encaisser 6 millions de profits. C'est une question assez importante. Alors, vous voyez des 10 faits comme ça dans cet article de Global Research qui sont très importants. Vous avez le département intérieur qui gère aussi l'exploitation pétrolière qui ont été plus que négligents, sinon tout simplement complicites dans un crime incroyable où on a permis à cette compagnie-là de driller sans faire d'études environnementales. On leur a donné le permis en sommant les yeux en disant qu'il n'y a aucun risque avec ça, allez-y, pas de problème. BP qui a voulu économiser de l'argent en installant la plus cheap des valves, okay? On aurait pu installer une valve hyper sécure de 1 demi-million de dollars, mais on veut sauver de l'argent. De toute façon, on est assuré, même s'il y a un désastre qui arrive, on s'en fout. Fait qu'au lieu d'installer la valve à un demi-million de dollars, on a installé des petites valves qui n'ont pas fonctionné, qui ont sauté, qui étaient brisées, qu'on savait même qu'elles étaient brisées, qu'on a continué d'exploiter et puis qui ont mené à l'explosion de la plateforme. OK? BP n'a aucun plan de nettoyage. Oubliez ça, on n'a pas de plan de nettoyage. Ils ne savent pas quoi faire. Ensuite, on essaye de faire taire ceux qui poursuivent en cours BP, Transocean. Alors, on va essayer d'acheter ces gens-là. On va essayer de les faire taire de toutes les façons, aller voir ça. Neuf, vous avez des dommages environnementaux qui pourraient inclure une catastrophe climatologique. Pourquoi? Parce que la majorité, 90% de ce qui s'échappe de ce volcan de pétrole, c'est du méthane. Le méthane qui, selon les sources, on va y aller avec les plus conservatrices, est 26 fois pire que le CO2. 26 fois pire. Alors, si vous aviez peur du CO2 puis vous croyez au cul du réchauffement climatique causé par le CO2, attention, mes amis, parce que là, on parle de quantités incroyables, vastes, immenses de méthane qui sont relâchés à chaque jour et qui ont des effets de serre 26 fois pire que le CO2. Hello! En point numéro 10, personne ne sait quoi faire et puis ceci va se produire encore et encore et encore et encore et encore. Donc, allez voir ça. Vous avez une série d'articles à aller voir là-dessus. Vous avez des photos. Vous avez les articles qui documentent qu'on refuse aux journalistes d'avoir accès aux zones dévastées. Là, on est en train de penser très sérieusement à utiliser une bombe nucléaire. On dit que les Russes ont fait ça 5 fois jusqu'à date pour fermer des puits dont ils avaient perdu le contrôle. Alors, zap, on glisse une bombe nucléaire dans le puits, puis on fait sauter le tout. Alors, moi, je suis bien sceptique par rapport à ce qui pourrait arriver suite à ça. Eux autres, ils semblent bien confiants. Apparemment que ça fonctionne déjà. Tant mieux si ça fonctionne, mais je suis bien sceptique. Bien, bien sceptique. Mais écoute, peut-être qu'ils ont raison. Mais là qu'on est rendu à penser à utiliser des bombes nucléaires pour fermer ça, ça vous donne un peu une idée de à quel point que, un, on ne sait pas quoi faire avec ça, puis deux, la gravité de la situation. Alors, vous avez des articles sur les inspections qui ont été menées, les dernières inspections sur les mécanismes de sécurité de la plateforme ont été faites en 2005. Après ça, on n'a pas eu d'autres. Vous avez des gens qui sont passés en commission, des gens qui travaillent sur la plateforme, qui ont déclaré au Congrès, à la commission d'enquête, qu'on savait qu'il y avait des dommages et puis qu'on n'a pas opéré selon les standards des compagnies pétrolières lorsqu'on a retiré la drille de forage. Alors, on a fait des choses qui n'étaient vraiment pas standards. Alors, on a vraiment causé un désastre. Vous avez l'administration Obama qui a bloqué les efforts pour arrêter BP de driller avant l'explosion. Vous avez des sans-dessins comme les CEO de BP qui disputent, qui en fait refusent de croire que ce désastre est grave et puis qu'il y a même des nappes sous-marines de pétrole importantes qui font plusieurs kilomètres de long. Alors pour eux autres, non, ça n'existe pas. Dans un autre article ici, on parle de ce déversement de pétrole qui risque de créer des zones mortes immenses sous le golfe du Mexique, selon des océanologues et puis des toxicologues. Vous avez ici un article qui parle, publié dans le Daily Mail, que BP risque de faire faillite suite à tout ce qui risque d'arriver. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire faillite. Une chose est certaine, c'est que cette compagnie devrait être saisie. Et puis remise à soit nationalisée ou qu'on la ferme, peu importe, là, mais je veux dire, qu'on ferme la compagnie et puis qu'on retire la gestion de ce désastre à cette compagnie désastreuse. Vous avez un autre article ici de BP, un autre manager général là, qui dit qu'on n'a pas encore déterminé qui on va blâmer, on n'a pas encore blâmé qui que ce soit, mais on est en train de voir que ces gens-là sont en train de se préparer à blâmer d'autres personnes qu'eux autres. Alors, cette compagnie devrait être interdite de tout drillage proche des côtes américaines, de l'Amérique, au minimum, et devrait être fermée, à mon avis. Et puis, tous les responsables et puis les shareholders devraient être mis en prison. Vous avez une carte ici qui vous montre que la nappe de pétrole est déjà entrée dans ce qu'on appelle le loop current, alors le courant qui circule dans le golfe du Mexique, qui, lui, va emporter ce pétrole-là vers la côte de la Floride. Un coup que c'est passé ce cap-là, là, on embarque dans les courants marins de l'océan Atlantique qui, eux autres, vont se connecter avec ce qu'on appelle le Gulf Stream, qui, lui, va distribuer le pétrole jusqu'en Europe. Alors, allez voir ça, là. Le pétrole est déjà embarqué dans ces courants-là. On a essayé toutes sortes de solutions. Le Top Kill, il n'y a rien qui fonctionne. On a essayé d'insérer un tuyau dans la pipe et puis ça n'a pas fonctionné. Là, on va essayer d'abaisser un autre genre de chapeau pour essayer de suctionner tout le pétrole vers des gros tankers pétroliers à la surface. Alors, comme je vous disais, on n'essaie pas de bloquer le truc, on n'essaie pas de le fermer, on essaie juste de récupérer le pétrole. Alors, BP qui s'entête et puis qui continue de créer un désastre avec son avarice criminelle de vouloir récupérer le pétrole et puis de nous le vendre. Vous avez une autre étude ici publiée par des scientifiques qui ont découvert un nouveau nuage sous-marin qui fait plus de 35 km de long. Alors, ça continue. On parle ici d'un troisième nuage, d'une deuxième fuite à quelques kilomètres de la première fuite qui serait même probablement plus grosse. Et puis, qui va payer pour ça? Ben là, vous avez la US House, alors, si vous voulez, la Chambre des représentants américaine qui a voté pour quadrupler les taxes sur le baril de pétrole pour financer un fonds qui va payer pour les dommages du déversement de pétrole dans le golfe du Mexique. Alors, ce n'est pas BP qui va payer pour ça, c'est nous autres, via les taxes. On savait tout ça, que c'était pour arriver, puis là, bang, c'est direct dans votre face. On va quadrupler aux États-Unis les taxes sur le baril de pétrole pour payer pour ça. Hey! C'est qui les caves? BP qui admet que maintenant le pétrole pourrait gicler pendant des mois, sinon même des années. Vous avez plusieurs cartes et puis différents sites qui vous permettent de suivre ce qui est l'expansion de cette nappe de pétrole. Vous avez des vidéos live aussi, on peut voir la fuite, des choses bizarres qui se passent là. Halliburton, ici, qui a acheté pour 232 millions de dollars une compagnie qui s'appelle Boots and Coots, okay, qui elle est spécialisée dans le nettoyage des déversements de pétrole. Halliburton qui a acheté ça une semaine avant que le désastre se passe. Halliburton qui était responsable de coffrer le puits de drillage de BP. Alors, on profite tout le temps du désastre. On parle ça de l'économie du désastre. On vit dans une économie du désastre et de la destruction. Alors, un paquet d'articles comme ça, allez voir. Obama qui est allé voir ce qui s'est passé dans les dommages. Son administration qui est en train de dealer avec une affaire bien pire que le Katrina de Bush. Obama qui, après avoir continué à donner des permis de driller suite même après au désastre, s'est rendu compte de l'étendue de la chose et puis a décidé d'arrêter les drillages en haute mer pour le moment, d'y mettre un moratoire pour 6 mois. Vous avez l'opinion publique ici qui est en train de se tourner contre Obama, Obama qui aurait accepté la responsabilité de ça. Incroyable. Et on apprend dans une autre nouvelle ici que ce pétrole aurait pu être bouché en moins de 8 heures suite après l'explosion, mais qu'on a refusé de faire les bonnes choses, les mêmes choses qu'on a faites alors qu'on avait eu un désastre incroyable, probablement le plus grand désastre pétrolier qui s'est passé en 1991, alors qu'on avait mis feu au puits de pétrole du Koweït. On a des solutions pour arrêter ça, mais on ne les applique pas. Et puis, vous avez ici un article du Canadian Press qui révèle que des informations classifiées ont été rendues publiques, révélant l'étendue de des déversements aussi de produits chimiques, aussi d'égouts. OK? On parle de millions de litres de contaminants toxiques qui sont déversés dans les eaux pristines de l'Arctique, selon une analyse qui a été publiée par The Canadian Press. Alors, c'est basé sur des gouvernements, des données gouvernementales qui étaient classifiées et puis qui révèlent à quel point il est alarmant de se rendre compte qu'on déverse un paquet de liquides dangereux dans les eaux territoriales canadiennes, dans l'article. Alors, ça, c'est un autre article à aller voir. Donc, on s'arrête ici, on fait une pause musicale et puis on revient avec la Corée du Nord et puis l'arsenal nucléaire israélien. Et puis la prolifération nucléaire israélienne. Et puis après ça, comme je vous disais, on va faire une autre pause. Et puis là, on va revenir avec le cas de la flottille de la liberté qui a rencontré Israël en eau internationale. Mmh. chers auditeurs, vous êtes de retour à l'autre monde sur la radio officielle de l'UQAM, l'Alternative à Montréal et dans le monde. Vous savez, les gens ont souvent tendance à tout découper en petits morceaux, à tout séparer, puis à ne plus avoir de vue d'ensemble pour comprendre ce qui se passe. Et puis, les sujets que je vais aborder d'ici la fin de l'émission semblent être des événements séparés, puis en même temps, ils ne le sont pas. Il faut avoir une vue de perspective, il faut savoir connecter les points ensemble. Il faut savoir apprécier la réalité dans son ensemble pour voir aussi ce qui se passe réellement puis comprendre les événements mondiaux, les affaires qui se passent dans l'actualité. Puis, vous savez, les choses ne vont vraiment pas très bien. Et puis, c'est tout comme votre animateur qui ne va pas vraiment bien aujourd'hui. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Depuis le début de la mission, je vous en parle. Il y a des affaires importantes à couvrir. Et puis, c'est très urgent qu'on mette les choses en place. On mettre les cartes sur table et puis les jeux sont faits, chers auditeurs. On est en guerre. C'est pas seulement une guerre dans le monde actuellement qui est en train de se passer. C'est une guerre aussi pour l'information. C'est une guerre pour contrôler ce que vous allez penser. C'est pas mal une guerre contre l'humanité, finalement, contre notre humanité. Okay? On est en train d'essayer d'éliminer cette humanité qu'on a et puis de justifier l'injustifiable, de proposer des valeurs qui sont complètement erronées puis qui ne vont qu'entraîner la souffrance. Un de ces sujets-là très important, c'est la Corée du Nord. Ce qui se passe en Corée du Nord a des répercussions et puis des enjeux très importants sur tout ce qui va se passer dans un futur assez rapproché. On a accusé c'est-à-dire la Corée du Nord, d'avoir coulé un bateau sud-coréen. Et puis, on a supposément trouver des preuves comme quoi que c'était eux autres. Je dis apparemment, supposément, parce qu'on est loin d'avoir des preuves concluantes, des preuves, je dirais même, crédibles. Okay? Et puis, le grand malheur, c'est qu'on se dirige, on est sur le bord de partir une guerre avec la Corée du Nord et les États-Unis aussi, disons-le, les États-Unis sont impliqués là-dedans. Vous avez des gens du gouvernement, vous avez Hillary Clinton qui s'est rendu là-bas, qu'on dit qu'on devrait punir sévèrement la Corée du Nord. Vous avez des gens qui ont même suggéré qu'on aurait besoin de 400 000 troupes pour envahir la Corée du Nord et puis mettre la main sur leurs armes nucléaires, les sécuriser, entre parenthèses. Alors, c'est bien ce qui est en train de se produire. Alors, la Corée du Sud qui a perdu un bateau et 46 de ses marins ont été tués. C'est évidemment très triste. C'est un acte. On ne sait pas d'où c'est parti. Okay? On ne sait pas réellement qui est le responsable de ça, mais on a accusé officiellement la Corée du Nord d'être responsable. Vous savez, il faut savoir qui est en train de lancer cette guerre, qui est en train de monter les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est une situation qui est explosive, qui pourrait dégénérer très rapidement. Vous avez Clinton qui a appelé pour des actes de réplique, OK? Donc, il faut répliquer à ça contre la Corée du Nord. Alors, on est en train, entre les lignes, de suggérer qu'on ait une réponse internationale par rapport à ça. Et puis là, vous allez voir encore les doubles standards ici apparaître, c'est-à-dire qu'on a un bateau sud-coréen qui prend le fond, qui a été attaqué d'une certaine façon. Et puis là, on dit que c'est très grave, il faut faire de quoi, qu'il faut quasiment partir en guerre contre la Corée du Nord. Mais on a des doubles standards. Okay? La loi ne s'applique pas pour tout le monde de la même façon, parce que dans les eaux internationales autour de la bande de Gaza et puis d'Israël, on a eu un autre événement où un navire qui battait pavillon avec un drapeau turc et puis d'autres qui battaient pavillon de d'autres nations comme l'Allemagne, vous en avez un des États-Unis, en fait deux bateaux qui battaient pavillon et qui étaient sous responsabilité américaine, ont été attaqués par des commandos israéliens. Mais ça, apparemment, que ça ne justifie pas, en tout cas dans les yeux des États-Unis puis d'Israël, parce que toutes les autres nations du monde, vous avez la Russie, la Chine, vous avez un paquet de nations européennes, vous avez une multitude de nations, même d'Amérique du Sud et d'un peu partout à travers le monde, la Chine aussi, Russie, qui ont condamné cet acte-là et puis qui ont demandé à ce que leur personne de nationalité de leur pays soit libérée immédiatement parce qu'Israël en a fait plusieurs prisonniers. Mais selon les États-Unis, qui a posé son droit de veto à d'une condamnation sévère d'Israël d'avoir attaqué un bateau en eau internationale contrevenant toutes les lois internationales. Ça, c'est pas grave. Selon Israël, c'est un acte de défense. OK? Donc là, on va continuer sur la Corée du Nord, mais ayez ça tout le temps en tête, OK? Parce que ça va s'imbriquer avec ce qui va suivre. Alors, pour ce qui s'est passé contre le bateau de la Corée du Sud, on déclare que on doit répliquer sévèrement contre la Corée du Nord. Vous avez une lettre hyper importante ici à aller consulter d'un expert qui a analysé toutes les photos qui existent, toutes les évidences qui existent du bateau qu'on a repêché, du bateau sud-coréen. Et puis, on s'aperçoit que, de toute évidence, qu'il n'y a aucune trace d'explosion. OK? Il y a plusieurs possibilités qui pourraient expliquer pourquoi le bateau a pris le fond. Et puis, selon les analyses de cette personne-là, quand on regarde bien les photos aussi, on s'en rend bien à l'évidence, on s'en rend bien compte que cette personne-là soulève des points très légitimes. Premièrement, il n'y avait pas de roche dans le fond d'où le bateau a coulé. Okay? Donc, il n'y a pas de collision avec des roches qui peuvent être considérées comme étant une cause des accidents. La deuxième affaire, il n'y a aucun signe, aucun, même pas un moindre signe d'une explosion. Donc, il est assez évident qu'il n'y a aucune torpille qui a touché ce bateau-là. Quand on regarde les cracks aussi, on voit que finalement, ce n'est pas une question de fatigue des matériaux qui ont causé que le bateau s'est scié en deux. Il apparaît assez clairement qu'il y a deux accidents qui se sont produits. Et puis le premier, c'est que le bateau a touché les bas-fonds, parce que dans ces places-là où l'accident s'est arrivé, on a très, très peu profond d'eau. Et puis il semble, quand on regarde la coque du bateau, qui est toute graffinée à grandeur, qu'il est assez évident que le bateau a touché le fond et puis a grindé tout, excusez-moi l'anglicisme, là, mais a été complètement grindé par le fond, complètement graffiné, puis rempli de scratch, okay, des égratignures. Et puis ça, c'est le premier accident, mais celui-là n'a pas été assez suffisant pour faire fendre le bateau en deux et puis lui faire prendre le fond. Ce qui est arrivé, ce qui reste à établir, parce que le deuxième accident est assez flou à savoir vraiment qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais il semble, selon toutes les apparences, qu'il y a eu collision. Et puis c'est cette deuxième collision-là qui a fait en sorte que le bateau a pris beaucoup d'eau et puis a pris le fond. Alors, est-ce que c'est un autre navire militaire qui est dans le coin? Parce que vous savez qu'on menait des exercices militaires en plein moment où ce bateau-là a pris le fond, OK? Des exercices militaires importants dans la région. Ou est-ce que c'est de quoi d'autre? On ne le sait pas. Mais oubliez l'histoire de la torpille. Maintenant, il est bien établi, en plus, que la torpille est de fabrication allemande. Probablement que cette torpille-là s'est retrouvée dans le fond il y a très longtemps. Il y a très longtemps, selon les photos qu'on peut voir de cette torpille-là, qu'on nous présente comme étant la preuve, il est assez évident que cette torpille-là a été dans le fond de l'océan depuis longtemps. Alors, vous avez différentes analyses. Il y en a une autre qui a été publiée dans le Washington Post. Et on pose des questions assez importantes. Okay? On se demande comment que un sous-marin d'un État qui est classé de cinquième niveau, donc de très bas niveau d'avancement technologique, ait pu pénétrer l'exercice naval de la Corée du Sud. Et puis de couler ce bateau-là sans qu'aucun des radars de la Corée du Sud ait pu repérer ces bateaux-là. Okay? Donc, ça, j'en ai déjà parlé ici. La Corée du Nord possède des technologies qui sont bien en retard sur celles de la Corée du Sud. Okay? Donc, il n'y a aucune façon de comprendre qu'il n'y a aucun de ces exercices militaires-là, aucun de ces bateaux, de ces navires qui ait pu, avec ses sonars et puis ses radars, détecter l'approche de ce navire, de ce sous-marin nord-coréen. Okay? Et puis, vous aviez aussi, en plus, des satellites de surveillance américains qui surveillaient toute la région, surveillaient l'exercice. Et vous savez, les États-Unis auraient su si la Corée du Nord avait eu des sous-marins dans la direction qui avaient quitté leur port assigné et puis étaient partis en mission pour couler un bateau sud-coréen. Alors, à un moment donné, il faut se rendre aux évidences. Il faut avoir un peu de bon sens, un peu de jugeote pour essayer de voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans cette histoire-là. Alors, vous avez différents articles. Il y en a un ici qui explore la possibilité que le bateau sud-coréen aurait frappé une mine américaine. Alors, vous avez des mines anti-sous-marins et puis anti-bateaux qui sont positionnée dans ces eaux-là. Alors, il faut se demander qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est probablement une collision qui s'est passée, comme je vous disais, ou c'est ce qu'on appelle en anglais un friendly fire, probablement un exercice militaire qui s'est passé, et puis on a eu un essai d'une torpille ou de quoi que ce soit d'autre, et puis elle a frappé le bateau sud-coréen, puis là, on blâme ça sur la Corée du Nord. Alors, vous avez la Corée du Nord aussi qui a déclaré qu'ils n'ont pas coulé ce bateau de la Corée du Sud. Vous avez la Russie qui a envoyé maintenant ses bateaux de guerre les plus puissants pour des exercices militaires dans cette région. Alors, la Russie qui envoie un message assez clair, qui dit, écoutez, chers amis, pensez à ce que vous êtes en train de faire parce que là, nous autres, là, on ne va pas laisser une guerre partir sur la péninsule. Vous avez la Corée, la Russie qui a demandé des preuves prouvant à 100% que c'est bel et bien la Corée du Nord qui est responsable de ça. Vous avez Beijing, dont la Chine, qui suspecte que c'est une attaque faux pavillon. Ça a été rapporté aussi par Wayne Madsen. Wayne Madsen, qui est un journaliste de grande rigueur et qui, selon des sources du renseignement en Asie, on suspecte là-bas que ça soit de quoi différent qui a coulé le bateau sud-coréen. Okay? On dit qu'un des buts de ça serait d'augmenter les tensions sur la péninsule coréenne et puis d'appliquer de la pression sur le premier ministre japonais pour renverser ses intentions de faire sortir la base militaire américaine sur l'île d'Okinawa. Alors, c'est ça qui s'est passé. En tout cas, ça a bien fonctionné parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on déclare différentes affaires dans cet article-là que je vous invite à lire, OK? Mais, chers amis, oui, vous avez beaucoup d'indices qui portent à croire qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire-là que ce qu'on nous présente, OK? Ça ressemble plutôt à être un autre incident du golfe de Tonkin qui s'est passé au large du Vietnam, qu'on a utilisé comme prétexte pour partir de la guerre du Vietnam qui a duré une quinzaine d'années, qui a tué des millions de Vietnamiens absolument pour rien. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant déclassifié de façon officielle, on a tous les documents maintenant, que le supposé incident du golfe de Tonkin, ça a été complètement préfabriqué. Il ne s'est absolument rien passé là. On a menti. Okay? On a préfabriqué un incident comme ça pour mentir et puis indigner les Américains et partir une guerre au Vietnam. Ça fait bien longtemps qu'on procède comme ça, puis ce n'est pas une première. Et puis là, vous devez savoir, tant qu'à démoniser la Corée du Nord, et puis dire, ah oui, mais ces gens-là possèdent une bombe nucléaire, il faudrait sécuriser la place, mettre la main là-dessus, parce que les Américains aimeraient bien finalement retourner dans ce pays-là et puis mettre la main sur l'arsenal nucléaire nord-coréen. Il y a de quoi qui est très curieux, chers auditeurs, c'est que dans les médias, dans les journaux, on ne va jamais vous poser la question, on peut vous informer sur d'où viennent ces bombes nucléaires, comment ça se fait que les Nord-Coréens ont cette technologie-là. Hein? Eh bien! C'est peut-être parce qu'on ne veut pas que vous sachiez la vérité, puis on vous présente juste une moitié d'une histoire, comme ça c'est plus facile de blâmer ceux qu'on veut blâmer. Là, vous avez Kim Jong-un, qui est loin d'être un enfant de cœur, disons-le, très loin d'être un enfant de cœur, une personne exécrable, il n'y a aucun doute là-dessus, une personne exécrable, un dictateur de la pire espèce, qui écrase son peuple sans honte, ça, il faut le dire. Mais chers auditeurs, qui a armé Kim Jong-il, qui lui a donné les plans et puis le nécessaire pour fabriquer des centrales nucléaires et puis fabriquer du matériel nucléaire pour en faire des bombes nucléaires? Qui a armé cet État staliniste? Je vous le donne dans le mille, le gouvernement américain, okay, qui indirectement, à travers des dealers d'armes globales, comme des gens qui s'appellent le docteur Abdul Kadir Khan, ont livré du matériel nucléaire à la Corée du Nord. Vous avez la Corée du Nord qui a été étiquetée de l'axe du mal par le gouvernement américain, mais qui, d'un autre côté, a financé son programme nucléaire à chaque étape. Vous avez l'administration de Clinton et puis l'administration de Bush qui ont joué un rôle clé pour aider Kim Jong-un de développer des armes nucléaires en Corée du Nord depuis le milieu des années 90. Tout comme pour Saddam Hussein, avec ses armes chimiques, ses armes biologiques qui ont été fournies par Donald Rumsfeld, eh bien, le même personnage, Donald Rumsfeld, a joué un rôle clé pour armer la Corée du Nord. Vous avez Rumsfeld puis son ancienne compagnie qui ont présidé sur un deal de livrée, donc un contrat de 200 millions de dollars pour livrer de l'équipement puis des services pour construire deux réacteurs à l'eau légère à la Corée du Nord en janvier 2000. Okay, sous la compagnie de ABB, Ossia Brown Bovary. Vous avez Wolfram Eberhard, qui était la personne des relations publiques de la compagnie d'ABB, le porte-parole de cette compagnie-là, qui a confirmé que Rumsfeld était là à tous les meetings qui étaient en discussion, qui impliquaient ce contrat et puis ce transfert de technologie à la compagnie. Okay? Est-ce que vous avez déjà entendu ça ailleurs? Est-ce qu'il y a personne, est-ce qu'il y a quelconque personne qui vous a informé de ça? J'imagine que non. Alors, on a dit à la Corée du Nord, écoutez, on ne va pas vous laisser faire pour construire cette centrale nucléaire. Nous, je veux dire, on va vous donner des centrales nucléaires à l'eau. OK? Et puis, c'est Light Water Nuclear Reactors. OK? Je ne me rappelle pas c'est quoi le terme. Je pense que c'est l'eau, je pense que c'est de l'eau lourde en réalité. Qui fait en sorte qu'on ne peut pas construire des armes nucléaires aussi facilement. Donc, on avait un deal avec la Corée du Nord. On dit, changez vos plans, construisez ce truc-là. Nous autres, on va vous aider à construire ça. Mais de grâce, ne construisez pas de bombes nucléaires et puis ne construisez pas tel autre type de centrale nucléaire qui produit du matériel nucléaire plus facilement pour construire des armes nucléaires. OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est que la Corée du Nord a dit OK, parfait. Et puis, les États-Unis ont dit on va vous livrer du pétrole. Et puis, en plein milieu d'un hiver, les États-Unis n'ont pas livré la marchandise, ont coupé la livraison de pétrole qui sert à chauffer la maison des Nord-Coréens. Bedang, punition collective. Et puis, les Nord-Coréens ont attendu pendant des années. On a commencé à peine à construire ces centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Et puis, on n'a jamais livré la marchandise. Ça, la Corée du Nord s'est dit, ben coudonc, là, nous autres, là, on avait un deal avec vous autres, vous ne livrez pas la marchandise, fait que nous autres, on va recommencer à construire notre centrale nucléaire, et puis on va recommencer notre programme nucléaire aussi, militaire. Puis après ça, on démonise la Corée du Nord. Ben, écoutez, là, à un moment donné, arrêtez les doubles standards, là. Les gens en Corée du Nord ont accepté de suivre notre deal, puis nous autres, on n'a pas rempli la marchandise, on n'a pas rempli la partie de notre portion de contrat. Après ça, on se scandalise que ces gens-là ben, se retournent de bord, puis continuent à faire ce qu'on avait essayé de, ce qu'on avait en fait réussi même à dealer avec eux autres de ne pas faire. Eh bien, ben, c'est bizarre, on n'entend pas ces nouvelles-là nulle part. On n'entend pas ces nouvelles-là nulle part. L'administration Bush, vous avez Donald Rumsfeld, l'administration Clinton qui a aidé la Corée du Nord à se procurer cette technologie-là. Après ça, on les a laissés tomber. Après ça, on est tous scandalisés de ce qui se passe là-bas. À un moment donné, il va falloir jouer la game sans jouer les doubles standards, la jouer fair, la jouer juste pour tout le monde, avec les mêmes lois, avec les mêmes principes, les mêmes conventions internationales. Donc là, vous avez des gens, OK, on parle ici d'un agent qui travaille pour la CIA, des gens qui travaillent, qui sont dans le giron de la CIA. Un ancien Pakistanais qui s'appelle Monsieur Khan, Oka Khan, OK, qui lui a fait de la prolifération nucléaire avec, il a vendu des plans, puis des secrets nucléaires pour construire des bombes atomiques. Et cet homme-là, ben écoutez, il a été même protégé par la CIA. À deux reprises, on avait suffisamment d'informations pour mettre le grappin dessus, mais la CIA l'a protégé. Il a dit non, non, vous ne touchez pas ce gars-là. Ce gars-là s'est ramassé en Corée du Nord, vendu des secrets nucléaires à la Corée du Nord. Khan était un collaborateur d'une compagnie qui s'appelait BSA Tahir, qui est une front company de Dubaï, qui livrait des centrifuges, des composantes de centrifuges à la Corée du Nord. Vous aviez des autorités hollandaises qui avaient beaucoup de doutes sur les activités de Khan depuis les années 75, mais la CIA les a empêchés de les arrêter, comme je vous disais, à deux occasions. L'homme, M. Khan, a été suivi pendant plus de 10 ans, et puis il était évident qu'il était clair qu'il y avait un sérieux problème avec ses activités. Mais les services secrets leur ont dit de ne pas toucher à cette personne-là. Eh bien, alors, vous voyez un peu ce qui se passe en arrière-scène, mais si on ne vous parle pas de ça, ben pourtant, ça aide pas mal à comprendre la vue de perspective, comme je vous disais, de ce qui se passe. C'est important de savoir ces choses-là. Vous savez, Washington qui a permis les activités de Khan parce que le Pakistan était un allié clé pour combattre contre les Soviets, okay, dans la fin des années 70 et début 80. Ça a été rapporté par le CFP. Alors, vous avez à ce moment-là les États-Unis qui finançaient puis armaient les Moudjahidines de Bin Laden qui sont devenus l'Al-Qaïda. Eh bien, on ne vous dit pas ça dans les médias. Triste-vous. On ne vous informe pas, on vous désinforme, on vous remplit de propagande. Ces gens-là étaient entraînés par les services du renseignement pakistanais pour combattre les troupes soviétiques en Afghanistan. Ça, c'est toutes des choses qui sont documentées. Après ça, on se surprend de ce qui se passe dans ces régions-là. Après ça, on dit, hey, l'Al-Qaïda ci, l'Al-Qaïda là, la Corée du Nord, ah, ah, ah. Incroyable. Les États-Unis savaient que les Pakistanais développaient une bombe nucléaire aussi, mais n'en avaient rien à foutre, parce que cette bombe nucléaire-là n'était pas pour être utilisée contre eux. C'était seulement une arme pour intimider, pour empêcher que l'Inde et puis les Soviétiques les attaquent. Okay? Au mois de septembre 2005, il a émergé dans les nouvelles qu'Amsterdam, la cour d'Amsterdam, avait donné une sentence à Khan de 4 ans d'emprisonnement en 1983, mais qu'on avait perdu les filières concernant son cas. Les filières ont disparu. C'est bizarre. Vous avez la vice-présidente de la cour qui s'appelait la juge Anita Leeser qui a accusé la CIA d'avoir volé ces filières-là. Alors, vous avez ces jeux de derrière de scène qui se passent, qui sont complètement documentés, mais qu'on ne vous informe jamais, on ne vous en parle jamais. Il a été maintenant admis très clair en 2005 par même l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf, qui a admis que Khan avait donné des centrifuges et puis les designs pour les construire à la Corée du Nord. Alors, à travers leur politique, en aidant la Corée du Nord à bâtir des réacteurs nucléaires, vous avez la CIA et puis Khan qui travaille aussi pour la CIA indirectement, qui ont été des instruments à ça et puis qui l'ont protégé, qui ont protégé ce commerce-là à toutes les étapes, alors qu'ils aidaient la Corée du Nord à construire un arsenal nucléaire. Alors, le gouvernement américain est directement complicite avec ce qui se passe, avec le transfert de la technologie et puis les secrets nucléaires au dictateur Kim Jong-un de la Corée du Nord et qui maintenant, supposément, menace les États-Unis avec ces armes-là. Pensez à ça 2 secondes, assez spécial. Vous savez, la Corée du Sud qui a maintenant en train de reviser ses mesures militaires contre la Corée du Nord. On a mis en branle des exercices militaires. La Corée du Sud qui a coupé tous les liens on parle de liens de communication puis les relations diplomatiques avec la Corée du Nord. La Corée du Sud qui a mis en alerte tous ses bateaux. Et puis, vous avez aussi Obama qui a ordonné ses 28 000 troupes américaines d'être mises sur le pied d'alerte alors que les tensions augmentent dans la région. Et puis, après ça, pour ajouter encore plus de ridicule à cette situation, chers auditeurs, on vient nous dire que la Corée du Nord exporte la technologie nucléaire dans le monde, selon un rapport apparemment qui a fui des Nations Unies. Alors apparemment que Pyongyang utilise des compagnies, des front companies, okay, pour exporter des missiles nucléaires, de la technologie nucléaire à des pays comme l'Iran, la Syrie puis la Birmanie. Ça, c'est assez spécial. On est en train de démoniser ça. Hein? On est en train de dire que là, hey, la Corée du Nord possède des armes nucléaires et puis maintenant fait de la prolifération nucléaire. Et puis regardez le timing incroyable de ce rapport, une coïncidence superbe, OK? Alors que on a révélé cette semaine encore plus, et puis même, je dirais, dans les semaines passées, il y a 2 semaines et puis cette semaine, il y a des nouvelles importantes qui ont été publiées. Qui montre très clairement avec des documents qui sont absolument impossibles à révoquer, des trucs incontournables, documentation officielle, comme quoi que Israël, on a des documents officiels, OK, que c'est Israël qui a essayé de vendre des bombes nucléaires à l'Afrique du Sud alors qu'elle était sous apartheid. OK? On a aussi d'autres évidences que l'Israël a exporté de la technologie nucléaire à d'autres nations, mais allons-y avec ce qui est documenté, allons-y avec ce qui est incontournable, ce qui est irréfutable. Vous avez des journalistes importants qui ont maintenant publié ces nouvelles-là, et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que on pointe du doigt la Corée du Nord. On pointe du doigt le Pakistan, on pointe du doigt l'Iran, OK? On se prépare en ce moment à attaquer l'Iran. Vous avez les États-Unis qui ont déplacé des effectifs militaires importants autour de l'Iran. Vous avez Israël qui a déplacé 3 sous-marins nucléaires le long de la côte iranienne dans le golfe Persique. Alors, on a des préparatifs militaires très clairs qu'on prépare de quoi? On prépare une attaque importante sur l'Iran. Vous avez même Mahmoud Ahmadinejad qui a déclaré que tout le chaos qui se passe avec l'attaque de la flottille de la liberté par les commandos israéliens, que cela est une prémisse, un coup d'envoi, un coup de départ pour une seconde attaque de la bande de Gaza. Alors ça va rester à voir. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on est en train de tout mettre en place pour partir au moins 2 fronts militaires, 2 nouvelles guerres, une en Corée du Nord et puis l'autre en Corée contre l'Iran. Alors, vous avez non seulement maintenant des citations dans les journaux, mais des effectifs militaires importants qui sont déployés, qui sont mis sur le pied d'alerte, même des sous-marins nucléaires israéliens de classe Dolphin livrés par l'Allemagne, qui sont maintenant positionnés et prêts à lancer des bombes nucléaires. Si ça, c'est pas grave, ben, je sais pas c'est quoi la définition d'un événement qui est grave. OK? On est sur le bord d'une étincelle de partir une guerre mondiale, si elle n'est pas déjà partie. Tout ça alors que vous avez des scandales incroyables. On est en train de se rendre compte que c'est des banquiers internationaux qui ont créé la crise financière, des banquiers privés qui possèdent le système au complet dans un carcan de pyramide, OK? Un système en pyramide de Ponzi. On crée l'argent de nulle part. On a fait crasher le système, puis en plus, on a misé là-dessus pour en faire plus d'argent encore. Incroyable, gros scandale, débile mental. Les peuples de la planète commencent à être écœurés de se faire laver comme ça, puis de devoir payer pour ça. Vous avez des gens de l'Islande, de la Grèce qui en ont soupé. On attaque des banques. On sait que c'est la Banque mondiale, le FMI qui sont responsables de ça, des banquiers privés, les financiers de Wall Street. Après ça, vous avez des catastrophes écologiques sans pareil qui se déroulent dans le golfe Persique. Après ça, badang, on apprend qu'il n'y a plus d'ambiguïté nucléaire. Israël a des bombes nucléaires. Vous avez plusieurs pays, même les Nations unies, qui ont demandé à Israël, le Pakistan et puis l'Inde de se joindre à l'accord de non-prolifération nucléaire. On sait que vous avez des bombes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Israël fait le doigt d'honneur à la communauté internationale. La communauté internationale au complet demande à ces pays-là, Inde, Pakistan, Israël, on sait que vous avez des bombes nucléaires, mais ces pays-là refusent de le faire. Israël refuse de le faire aussi. Leur envoie le fingers. Va chier. Nous autres, on est au-dessus de la loi. OK? Vous avez des mémos qui ont été rendus publics, comme je vous dis, qui prouvent, hors de tout doute, que en plus, Israël fait de la prolifération nucléaire, a essayé de vendre des bombes nucléaires à l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Bravo! Bravo! Et puis ça, on n'en parle pas. OK? Alors, la seule chose qu'on demande, c'est joignez l'accord de non-prolifération nucléaire, ouvrez vos centrales nucléaires, vos lieux de production à l'ONU, à l'Agence nucléaire internationale. Ouvrez vos centrales aux inspecteurs internationaux parce que vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Tout le monde est sur le même pied devant la loi. Okay? Tout le monde doit suivre les mêmes lois internationales, les mêmes conventions, ou il n'y en a pas de convention, ou il n'y en a pas de loi, okay? Ou il n'y en a pas de règne de la loi. Puis on vit dans un monde où la loi du plus fort règne. Alors, allez voir ça, c'est des choses qui existent, c'est là, c'est pas plus compliqué. La Russie et la Chine ont averti les États-Unis que s'ils laissaient les Israéliens attaquer l'Iran, que cela signifiait une guerre mondiale. Ça, c'est un rapport qui circule, un rapport à faire dresser les cheveux sur la tête que le Kremlin a déclaré aujourd'hui. Donc, le président Medvedev et puis le président Hu de la Chine ont émis un avertissement urgent que si les États-Unis et puis ou les Américains attaquaient l'Iran, que cela signifiait une guerre mondiale et puis que cela serait leur réponse. C'est pas grave ce qui se passe. C'est complètement hallucinant. Donc là, moi, je vous laisse penser à ça. OK? On est tout en train de déployer les forces nucléaires, en train de déployer les forces militaires, en train d'encercler la Corée du Nord, la Chine, la Russie. On est en train de partir une guerre contre l'Iran. On attaque des flottes humanitaires qui s'en vont en bande de Gaza. Méchante opération de déstabilisation planétaire. Tu as dit que c'est bien parti, que le chaos est semé à grandeur de la planète. Et puis là, en revenant de la pause, on va regarder la dernière facette de ça, l'attaque contre la flottille de la liberté par les commandos israéliens. M'as-tu vous la dire, la façon de penser? M'as-tu vous le dire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre ça nulle part ailleurs. Alors, restez à l'écoute, accrochez-vous, tapez-vous après la chaise parce que ça va brosser en venant de la pause. vous êtes de retour à l'autre monde. Je regardais ça. Il me reste quand même assez d'informations à passer. Sur le dernier bloc, on va parler de l'événement qui s'est passé au large d'Israël, en eau internationale. Une dernière portion d'émission qui devrait durer assez longtemps, donc je vais avoir besoin d'au moins une demi-heure pour expliquer tout ça. Donc, on va défoncer l'émission, on va la faire durer 2 heures cette semaine. Alors, la fin de cette émission risque d'être un peu difficile pour certaines personnes. Alors, des fois dans la vie, il faut passer à travers des difficiles moments. Donc, attachez-vous, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas 56 000 façons de couper une pomme. Donc, on va essayer, dans un premier volet, de repérer, de mettre sur la table ce qui s'est passé. On va essayer de revoir un peu les événements, selon les différentes parties qui sont prenantes à ce qui s'est passé là. Alors, j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, qui en résume les plus grandes composantes que vous pouvez trouver sur les sites du Québec et les nouvelles internationales, entre autres. Aussi sur mondialisation.ca, News of Tomorrow. Vous avez plusieurs lieux comme ça où ces articles-là sont repris. Et l'article en question se nomme « Israël attaque la flottille de la liberté en route vers Gaza. Massacre et acte de guerre en eau internationale ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, écoutez, dimanche dernier, des centaines d'activistes pro-palestiniens qui ont quitté l'île de Chypre en Turquie pour se diriger vers la bande de Gaza et y apporter de l'aide humanitaire. La flottille, qui était composée de 6 bateaux, dont 2 autres qui étaient poursuivis par après, les 6 premiers bateaux se composaient de 3 cargos et puis de 3 autres pour transporter des passagers. Il y avait environ 700 personnes à bord, incluant un lauréat du prix Nobel, Mairead Corrigan McGuire, des législateurs européens, du personnel des Nations Unies, des militants des droits de l'homme et des milieux syndicaux, ainsi que des journalistes et un survivant âgé de l'Holocauste. S'y trouvait aussi du matériel tel que du ciment et autres matériaux de construction, des centaines de chaises roulantes électriques, des maisons préfabriquées, des purificateurs d'eau, ainsi que des fournitures médicales et scolaires, choses qui sont toutes bannies par Israël d'entrer à Gaza. Vous savez, il y a un blocus sur la bande de Gaza depuis 2007, et puis à peu près rien, quand je dis à peu près rien, c'est pas beaucoup là, presque rien peut rentrer ou sortir de Gaza. Un état de siège médiéval, un état d'apartheid. Ça vous choque ces mots-là? Ben, c'est votre problème. Si on est capable d'appeler l'Afrique du Sud un état d'apartheid alors que vous aviez une élite qui contrôlait l'Afrique du Sud et puis qui réprimait, opprimait les gens de la place, un état d'apartheid, mais vous n'êtes pas capable de nommer les autres états d'apartheid pour ce qu'ils sont, ben c'est votre problème, parce que vous avez même des gens de l'Afrique du Sud qui ont subi l'état d'apartheid, qui savent c'est quoi, qui ont identifié clairement que tous les signes d'un état d'apartheid se retrouvent aussi en ce qui se passe en Palestine. Pas de ma faute. OK? Je souhaiterais qu'il n'y en ait pas. Comme ça, on n'aurait même pas besoin d'en parler. On pourrait parler de sport, puis d'amour, puis on peut parler d'autres choses. Mais quand il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. All right? Un génocide à gauche, c'est un génocide à droite. C'est la même affaire. OK? Il faut arrêter de nommer la même chose de différents noms selon qui fait ces choses-là. Bon. Fait qu'on a un blocus. On ne laisse pas rentrer rien sur la bande de Gaza. La communauté internationale en a marre. Les Palestiniens sont affamés. On leur apporte environ un total de 10 000 tonnes de ravitaillement et de matériel d'aide humanitaire. Et puis, vous aviez 2 autres bateaux qui suivaient en deuxième vague. Alors, le but, c'était ça. Le but principal était aussi d'attirer l'attention internationale sur le blocus imposé à la bande de Gaza par Israël depuis plus de 3 ans. C'est ce que les habitants de la bande de Gaza vivent. OK? Ils vivent quoi? Ils vivent un état de siège médiéval, où même les médicaments, les vêtements et le matériel scolaire sont interdits d'entrer par Israël. Ça, c'est de quoi qui est admis dans les médias partout, même dans les médias israéliens, là, OK? Donc, en plus de sa mission humanitaire, la flottille de la liberté a un rôle symbolique qui est simplement de mobiliser la conscience mondiale sur la sombre situation que la bande de Gaza subit depuis trop longtemps déjà. Ce bout de territoire enfermant 1,5 million de Palestiniens est la plus grande prison de l'histoire de l'humanité. Il s'agit d'un camp de concentration pour tous ces gens qui y sont enfermés, plusieurs étant des réfugiés même depuis 1948. Ils sont sujets à des bombardements aériens, à des attaques à l'aide d'armes chimiques et des destructions massives. Ils sont affamés, ils font face à de sévères pénuries d'eau potable, de pétrole, d'électricité et de matériel médical. Les taux de chômage y sont extrêmement élevés et la pauvreté sévère et sévit de façon généralisée. Alors, ce qu'on veut faire, c'est briser ce blocus-là. La même affaire qu'on a brisé l'État d'apartheid d'Afrique du Sud, on veut bloquer, on veut débloquer ce blocus-là. On veut passer outre, on veut le défaire. Parce que c'est inhumain. Pourquoi c'est inhumain? Ben écoutez, c'est pas juste moi qui ai dit ça, là. On a eu des jugements, comme je parlais en début d'émission, qui s'appellent des jugements de Nuremberg. Puis on a découvert une couple d'affaires qu'à un moment donné, on a décidé qu'il ne faudrait peut-être pas répéter dans le futur parce que c'est pas correct. Hein? Ces choses-là, les plus importantes, c'était une agression non provoquée d'une autre nation parce qu'elle renfermait en elle tous les autres crimes. Donc, c'était le crime suprême international et puis un autre crime de guerre, crime contre l'humanité important qui a été identifié, c'est la punition collective. Ça veut dire qu'on a déterminé que dans une guerre, les soldats peuvent se tuer entre soldats. On peut bombarder des installations militaires d'un autre pays, mais on ne peut pas punir une population pour les décisions politiques qu'un régime prend. Parce que ça ne veut pas dire que c'est ce que toute la population supporte, ça ne veut pas dire que la population en entier est responsable de ça. Hein? Alors, d'affamer une population, d'opérer un blocus, selon les lois internationales, c'est un acte de guerre. C'est un crime. C'est un crime de guerre. Pas moi qui ai inventé ça, c'est des lois internationales qu'on a essayé d'établir parce que sinon c'est le free for all, comprends-tu? Le plus fort de la planète se prend pour le boss, se prend pour Dieu, puis il décide que là c'est lui qui fait la loi. On s'est dit, garde, c'est parce que ce gars-là il est plus faible que toi, là, mais c'est pas une raison pour autant de l'écraser et d'en faire ce que tu veux. Juste parce que toi tu penses que c'est ça qui devrait arriver. Parce que toi tu penses que tu es le boss, parce que toi tu penses que tu devrais avoir raison. Ça ne marche pas de même. Il y a des lois internationales. Il y a des principes qu'on a mis en place que tout le monde, pas cette nation-ci puis celle-là là-bas, tout le monde, toutes les nations du monde doivent respecter. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Alors, on opère une punition collective sur les Palestiniens parce que Israël n'est pas d'accord avec le Hamas, parce que Israël pense que le Hamas est une organisation terroriste. Qu'ils aient raison ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu es en train d'affamer 1,5 million de kids. Hey Joe, 1,5 million qui sont en train d'être affamés, ben raide, il n'y a même pas de matériel scolaire qui rentre, ni de matériel médical. Parce qu'ils jugent que ces gens-là doivent payer le prix. Punition collective, punissable par les tribunaux internationaux comme Nuremberg. On a jugé les nazis pour ça. Fait que là, on a la flottille de la liberté qui s'approche comme ça. On est dans les eaux territoriales internationales, OK? Des eaux internationales. On a des lois maritimes, on a des lois, OK, internationales qui gèrent ça. Il n'y a pas une nation au monde, pas une. La Somalie a commencé à attaquer des bateaux dans les eaux internationales. On appelait ça de la piraterie, OK? Et puis, on a déployé des navires là-bas militaires pour faire cesser ça. C'est un crime. Vous avez la corvette militaire des Sud-Coréens qui a été apparemment attaquée et coulée. On juge que c'est un crime grave. Il faut agir contre la Corée du Nord. Là, vous avez une flottille d'aide humanitaire. Et puis là, venez pas me dire que ces gens-là sont alliés avec des terroristes, puis tout, puis blablabla, là. Arrêtez de me niaiser. Hostie. Arrêtez, là. OK? Vous avez un genre un membre du Knesset, du gouvernement israélien qui était de ce bateau-là. Vous avez un prix Nobel de la paix. Vous avez des législateurs européens. Vous aviez des Américains, des Australiens, des Allemands. C'est pas l'Al-Qaïda qui s'en venait, là. Il n'y avait pas d'armes de ce bateau-là, OK? Ce bateau-là est en eau internationale. En eau internationale, il n'y a aucune nation sur la planète, aucune, sous aucun prétexte, aucune justification admissible qui peut donner un ordre à un bateau dans les eaux internationales de l'arraisonner, de monter à bord de quelque façon que ce soit, de l'attaquer, puis encore moins de tuer du personnel dessus ce bateau-là. Personne. C'est un crime de guerre, c'est un crime contre les lois internationales. On s'entend-tu là-dessus? On s'en fout que ce soit la Corée du Sud, que ce soit la Russie, que ce soit l'Espagne, Israël, les États-Unis, la France, l'Australie, les Zimbabwe. Il n'y a personne qui peut faire ça. Loi internationale, tout le monde la suit. Et bien là, ce qui arrive, c'est que les commandos israéliens arrivent à 4h du matin, à l'aube, zap, on encercle le bateau et puis on monte à bord. Et puis là, selon les deux versions, les Israéliens vont dire, ils nous ont montré des vidéos en disant, regardez, nos soldats sont battus quand ils arrivent sur le bateau puis tout. Il fallait réagir, on a ouvert le feu, c'est ça qui est arrivé. Les gens qui étaient sur le bateau, dont deux reporters, OK, des reporters qui étaient là sur le bateau, ont des vidéos et puis ont documenté que c'est les Israéliens qui ont lancé des bombes à lacrymogènes. Commencé à tirer des projectiles sur les bateaux avant même d'y arriver, et puis après ça, on a abordé les bateaux. Juste d'aborder les bateaux, ça donne le droit, sous la loi internationale, à l'autodéfense. Mais là, Israël et Netanyahou vont dire hey, c'est nous autres, on se défendait. On se défendait de quoi, Tikid? T'es en eau internationale en train d'aborder un autre bateau. C'est interdit. N'importe quel bateau en eau internationale qui se fait aborder par une autre nation, par des commandos, par des pirates, peu importe qui que ce soit, a le droit de se défendre. Israël ne peut même pas utiliser le prétexte de se défendre en eau internationale. Ça n'existe même pas dans le droit international. Arrêtez de niaiser. Alors, Israël est monté là, zap, on est rendu avec maintenant un bilan de 19 à 20 morts puis des douzaines de personnes blessées. Les bateaux ont été arraisonnés puis détournés, amenés au port d'Arrodot. Et puis là, vous avez des Américains, 9 Américains, des Canadiens, des Australiens, des Allemands, des Finlandais qui sont en prison là-bas. On a coupé toutes les communications quand on est monté à bord de ces bateaux-là. Donc, on a empêché que les médias rapportent là-dessus. On empêche que les journalistes interrogent les gens qui ont été faits prisonniers. On les tient en Israël. Tous les pays ont lourdement condamné Israël de ces actes-là, réclament que leurs prisonniers leur soient rendus immédiatement, sous peine de subir des conséquences importantes. Je veux dire, écoutez, là, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Zap, on monte à bord de ces bateaux-là, commence à ouvrir le feu sur les gens qui s'y trouvent, causer la mort de 19 à 20 personnes, c'est incroyable. Le fait que les bateaux portaient des drapeaux, OK, donc les bateaux battaient pavillon dans les États-Unis, la Turquie, pour ne nommer que ces deux-là, veut dire que ces bateaux-là n'étaient pas sous l'autorité d'Israël aussi longtemps qu'ils étaient en eau internationale. Israël n'a aucun droit légal d'émettre des ordres à cette flottille, ni de les aborder, ni de les saisir, encore moins d'ouvrir le feu dessus. Les gens qui étaient sur le bateau avaient tous les droits de se défendre. Lorsqu'une nation saisit les bateaux d'une autre nation et tue les passagers de l'équipage de ces bateaux en eau internationale, cela constitue un acte de guerre. La Turquie est membre de l'OTAN, chers auditeurs, et celle-ci considère une attaque contre n'importe quelle autre nation membre, je parle de l'OTAN, là, comme étant une attaque sur l'OTAN elle-même en entier. Donc, Israël vient de commettre un acte de guerre contre l'OTAN au complet. La crédibilité des Nations Unies est sur la ligne en ce moment, et s'ils ne sont pas en mesure de démontrer au reste de la planète qu'ils peuvent faire face à Israël et l'obliger à respecter la loi internationale, il serait mieux de cesser de gaspiller notre argent et puis notre temps et puis de démanteler cette organisation mondiale. C'est un acte barbare qui s'est passé, un acte illégal selon toutes les lois internationales, les lois maritimes, puis un acte immoral qu'Israël a posé. Arrêtez de nous faire pleurer avec des faux motifs en disant que ce bateau-là était pour aider des organisations terroristes comme le Hamas ou quoi que ce soit. Et que ça, c'est une menace en contravention, c'est une provocation d'Israël. Arrêtez. C'est une attaque illégale et immorale puisque ces bateaux se trouvant en eau internationale, c'est tout ce qui compte. Ils ne transportaient que des civils et de l'aide à Gaza. Puis là, ce qui me chatouille beaucoup, qui me fend le derrière, et puis de vivre une extrême déception. Parce que je suis vraiment déçu, très déçu. Et puis je pleure ce qui se passe, qui est justifié par certaines personnes comme, des gens comme les États-Unis qui refusent de condamner Israël, qui met son seul droit de veto face à tous les pays du monde qui veulent condamner Israël de ça, avec raison. On a juste besoin de suivre les lois internationales. De des gens comme Netanyahou, Il y a des gens comme des sionistes, et puis aussi qui? Des gens qui sont à l'écoute de ce programme-là, des gens un peu partout, des Québécois, des Canadiens. J'ai lu des commentaires de des Québécois, je veux dire, c'est à pleurer, c'est à pleurer. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, écoutez, ce qui arrive, c'est que on ne peut pas critiquer Israël, on ne peut pas critiquer ses politiques, ses idéologies, sans se faire traiter d'antisémite ou de quoi que ce soit, et de se faire menacer, de se faire dénoncer via des réseaux de dénoncement établis par Israël pour supposément dénoncer des sites antisémites ou des gens qui tiennent des propos antisémites. Et puis, ça, je trouve ça bas, je trouve ça grave et je trouve ça extrêmement décevant. Extrêmement décevant. On accuse la Flotille de la Liberté d'avoir été avec les terroristes, puis qu'Israël avait toutes les justifications de faire ça. On se scandalise, on utilise les mêmes tactiques de blâmer la victime en disant que ces gens-là étaient responsables de ce qui leur arrive, qu'ils l'ont bien mérité, qu'ils étaient affiliés avec l'Al-Qaïda ou les terroristes ou le Hamas ou peu importe, et puis qu'ils méritaient ce qui est arrivé. Comme si tout d'un coup, la loi internationale arrêtait d'exister. Comme si les jugements de Nuremberg n'avaient jamais été rendus. Comme si les lois maritimes des mers n'existent pas. Comme si tout d'un coup, d'attaquer la corvette sud-coréenne était acceptable. Comme si d'un coup, les pirates somaliens qui arrêtaient les gros cargos puis demandaient des rançons puis attaquaient les gens à bord étaient totalement acceptables. Comme si tout d'un coup, n'importe quelle nation sur Terre pouvait partir en bateau pour attaquer un autre bateau puis les blâmer parce que hey, vous avez des liens avec les terroristes, vous avez des liens avec ci, bang, on rentre dans le bateau, on déploie des hélicoptères, des bateaux, on rentre, on monte à bord, commence à tirer sur les gens. Ça devient acceptable. Ça me chatouille. Parlez pas de penser objectivement, rationnellement, par rapport à ce qui est en train de se passer. Monde complètement débile. Sur le bord de la quatrième guerre mondiale, on déploie des sous-marins nucléaires. On accuse les autres pays d'essayer de se procurer des bombes nucléaires alors qu'on les a aidés à se procurer. Monde complètement débile. Complètement débile. Il y a la loi internationale, sauf quand nous autres, on fait de quoi? Tu sais, je veux dire, voyons donc, là. Combien de carrières, combien de personnes, combien d'assassinats de personnalités on a opéré parce que, hey, on ose critiquer la politique d'Israël. Critique la politique des États-Unis, c'est pas anti-américain, ça. Critique les actes, les agissements criminels de d'autres nations. Ça veut pas dire que tu es anti ces autres nations-là. On n'est pas anti-nationalité. On n'est pas déclaré comme étant des racistes parce qu'on critique ce que la France a fait. On n'est pas anti-français parce que on critique Chirac ou ben non Brown ou Blair ou ben non n'importe quel autre premier ministre ou dictateur du monde. Oh, mais si vous avez le malheur de critiquer Israël, par contre, oh, ça c'est antisémite. On ne peut pas faire ça. On est au-dessus de la loi, eux autres, on est au-dessus des critiques. On ne peut pas être chez les grands intouchables. Alors c'est bon, je prends le coup, c'est correct. Okay? On nous dit que la flottille avait des liens avec les terroristes. La flottille est composée de 6 bateaux. Dont 3 cargos, 3 passagers, qui avaient 700 personnes, toutes des terroristes, dont un lauréat du prix Nobel de la paix, une terroriste. Législateurs européens, des terroristes. Personnel des Nations Unies, des terroristes. Militants des droits de l'homme et des milieux syndicaux, des terroristes. Les journalistes, tous des hosties terroristes. Un survivant âgé de l'Holocauste, un autre terroriste. Okay? Ils livraient du matériel terroriste, comme du matériel de construction, du matériel terroriste pour des chaises roulantes, matériel terroriste pour construire des maisons, matériel terroriste pour purifier l'eau, même affaire pour guérir les gens, et du matériel médical, c'est terroriste, ça. Du matériel scolaire, terroriste. Okay? 10 000 tonnes de matériel terroriste. Alors, si c'est ce que les terroristes ont l'air, si c'est ce qu'ils font, alors, il serait peut-être temps de revoir la définition du terrorisme. Aucune nation, peu importe ses motifs, ses justifications, ne peut arraisonner un navire en eau internationale, lui donner des ordres, monter à bord et encore moins l'attaquer. Non seulement justifier cette tuerie et cet acte de piraterie et d'acte de guerre démontre-t-il une profonde ignorance et incompréhension des lois maritimes internationales, mais démontre aussi un profond égarement moral et éthique. Justifier ce qu'Israël vient de commettre justifie maintenant que n'importe quelle autre nation peut attaquer impunément un bateau en haute mer et massacrer les personnes à bord. Point à la ligne. C'est la fin de l'ordre et la fin du règne de la loi. On retourne au Moyen Âge, au barbarisme et à la piraterie, à la loi du plus fort, au nom de laquelle on peut tuer n'importe qui, n'importe où, de façon arbitraire, selon ses jugements religieux, ses justifications religieuses, idéologiques, politiques ou autres. Je pleure et je suis déçu. Déçu. Des chrétiens qui disent croire en Jésus-Christ, qui prônaient le partage, l'amour d'autrui et le pardon, nous disent maintenant qu'il faut partir en guerre et tuer des gens qui sont en mission humanitaire en eau internationale. Qu'est-ce que Jésus aurait dit? Pensez-vous que Jésus aurait dit, « Hey, allez les gars, allez commando, là, va monter à bord de ce navire que je crois rempli de méchants terroristes, contrevient à toutes les lois internationales et tue des dizaines de personnes. » Pensez-vous qu'il aurait dit ça, Jésus? Pensez-vous que Jésus aurait dit, « Hey, montons un blocus pendant des années contre une population, des civils, pour les punir collectivement pour de quoi que je n'approuve pas. » Israël tient un état de siège, un blocus sur la bande de Gaza. Selon les lois internationales et les jugements de Nuremberg des nazis, la punition collective constitue un crime de guerre grave. Il n'y a pas de justification qui tienne. C'est un crime point à la ligne. On ne règle pas un crime par un autre crime. Même si Israël pense que la Hamas est une organisation terroriste, ça ne justifie pas d'affamer 1,5 million de personnes en opérant un blocus, ce qui est un acte de guerre aussi, ou en punissant collectivement toute une population. C'est immoral, c'est illégal pour tout le monde. Tout le monde! Si vous venez me dire que c'est la responsabilité des pays arabes de prendre tous les Palestiniens sur leur territoire, parce que supposément ce bout de terre appartiendrait seulement aux Israéliens juifs, eh bien, allons jusqu'au bout de cette logique. Allons-y, poussons cette logique jusqu'au bout et redonnons le Canada et les États-Unis aux Inuits puis aux Amérindiens, l'Amérique du Sud aux Aztèques et aux Mayas, l'Europe aux Néandertaliens, l'Asie aux Indigènes et l'Australie aux Aborigènes. Allons-y, et pourquoi pas redonner la terre aux dinosaures tant qu'à y être, tant qu'à être imbécile. On partage toute cette terre. On n'en est pas des propriétaires. Personne n'en est propriétaire. Personne. On arrive là tout en milieu de chaud, puis on va quitter avant que le chaud finisse. On arrive là, zap, on est responsable de protéger cette terre-là. On n'est pas propriétaire. Qui peut dire, hey, Dieu m'a donné ce morceau de terre-là, ça m'appartient. Voyons donc. Aucun individu, aucun peuple particulier, aucune religion ne possède exclusivement un centimètre carré de cette planète. Je suis écœuré de voir des gens mourir parce qu'une nation se dit la seule propriétaire exclusive de ce bout de terrain selon ses croyances et sa religion. Inadmissible de aucune nation, aucune religion, aucune croyance, aucune idéologie politique. Aucune! Je suis écœuré qu'on justifie des massacres par une soi-disant autodéfense. Si l'ONU n'arrive pas à mettre Israël au pas, c'est alors que le souhait de toutes les autres nations du monde, ce qui est en fait le souhait de toutes les nations du monde, c'est que les États-Unis opposent toujours son droit de veto. Il faut se rendre compte, se rendre à l'évidence que les Nations Unies sont alors inutiles et ne remplissent pas son rôle. Les sionistes contrôlent les États-Unis et leur politique étrangère, surtout en ce qui concerne le Moyen-Orient. Le mécanisme de l'ONU devient alors futile, car en contrôlant leur veto des États-Unis, toutes les mesures pour forcer Israël à respecter la loi internationale seront bloquées. Détruisons nos illusions d'une prétention au règne de la loi. Ça donne à rien, là. Il est temps de dissoudre l'ONU, de retourner au temps des pirates, la loi moyenâgeuse du plus fort. Simplement. Il n'y a pas de loi qui existe. Il n'y en a pas. Il n'y a que des deux poids, deux mesures. C'est déjà le chaos, le free-for-all. On peut prendre des heures à expliquer la différence entre les sionistes et les juifs israéliens. L'une est une politique, une idéologie politique. L'autre est une religion. Et la dernière est une nationalité. À un moment donné, on va falloir démêler, là, parce que les gens sont pas mal confus. Les gens ne comprennent pas que c'est l'idéologie sioniste qui met en danger tous les bons juifs, qui vont devenir, malgré eux, la cible de la colère de la communauté internationale. Le pire ennemi des juifs est souvent eux-mêmes ou ceux qui les dirigent vers le précipice, l'ultra-droite sioniste, qui sont en train de sacrifier l'agneau sur leur altar du pouvoir. Pensez-vous que j'en veux aux Juifs? Pensez-vous que je compte les Juifs? Pensez-vous que je suis anti-sémite? Non, quand je dénonce ce que je dénonce ici sur le programme, puis que j'écris, je cherche à protéger tout le monde selon les lois, incluant les Juifs, parce que je sais bien que les Juifs vont payer le prix encore. Comme les sionistes durant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, ont framé les Juifs. Qui a mangé toute la marde? Les Juifs. Il n'y avait pas besoin de payer ça, mais les sionistes s'en foutent. Ils s'en foutent des Juifs. Ils utilisent les Juifs comme un paravent, comme un bouclier humain. Fait que vous blâmez les politiques, l'idéologie politique. Puis pour les gens, ils sont mêlés entre nationalité, religion, et puis idéologie politique, puis ils pensent, ils mettent tout ça dans un même sac, puis là, ils pensent que vous êtes contre les Juifs, et puis là, vous êtes un antisémite. Il y a des raccourcis intellectuels qui se font, qui sont honteux. On peut passer des heures à expliquer ça des gens, aux gens, mais c'est en vain. Les gens sont si confus qu'ils font un tas d'associations fausses basées sur leur ignorance, puis leur affect. C'est comique parce que de critiquer les politiques, comme je disais, des États-Unis n'est jamais considéré comme étant de l'anti-américanisme. Critiquer les politiques, les agissements de la France, l'Italie et du Japon n'est jamais considéré comme étant du racisme ou de l'anti-christianisme ou autre. Mais de critiquer la politique étrangère, les agissements criminels d'Israël est toujours de l'antisémitisme, du racisme et de la haine. Ben voyons donc. C'est le bout de la marde. Ce que je critique ici, c'est des actes illégaux et des actes de guerre en eau internationale. Vous me dites que c'est une provocation d'Israël qui lutte contre le Hamas élu à Gaza? Alors ainsi, vous justifiez la punition collective, ce pourquoi les nazis ont été punis? Si Israël le prend comme étant une provocation, c'est qu'elle refuse de voir qu'elle commet un crime de guerre et contre l'humanitaire en punissant collectivement 1,5 million de personnes innocentes et qui n'ont fait que l'erreur d'être nés là. Hey, pauvre personne! Le gars, il est né là, c'est toute sa faute, Simonac! C'est ce que je dénonce. Mais si vous êtes aussi confus et étroit d'esprit parce que je défends la loi internationale et condamne les crimes qui la transgressent et que vous tirez des conclusions et m'associez au Hamas, à la Syrie, à l'Algérie, au Hezbollah, les musulmans antichrists ou les terroristes, en pensant que de critiquer les agissements criminels et meurtrières d'Israël revient égal à supporter ces gens et ces nations, mais moi je vous dis, c'est complètement débile, c'est dérisoire. Je suis désolé, mais c'est débile. Mais réellement, je ne crois pas, je ne crois vraiment pas qu'un pays qui possède des bombes nucléaires, qui occupe militairement un autre pays pendant plus de 60 ans, qui tient un état de siège et d'apartheid depuis des années, punissant collectivement et arbitrairement une population entière, et qui s'arroge le droit de monter à bord d'un navire en eau internationale, et qui se surprend en plus de rencontrer de la résistance, s'indigne. Hey, on nous a résisté! Un navire qui n'a rien à voir avec Israël, puisque l'aide humanitaire était dirigée vers une autre nation, sans agresser, sans provocation, je ne pense pas qu'une telle nation peut se justifier en disant qu'elle se défend. Ce n'est pas une nation qui se défend, c'est une nation qui agresse. C'est une insulte à mon intelligence et à mon sens moral. Et je suis pas mal certain, c'est peut-être mon opinion, mais je suis pas mal certain que si un gars comme Jésus est encore existant aujourd'hui, pas mal certain. En tout cas, je serais pas mal curieux de voir qu'est-ce qu'il y aurait à dire. Okay? Disons-le comme ça. Alors, mes chers amis, c'est à peu près sur ça qu'on va se quitter. Moi, je vais vous laisser penser à tout ça. Je parle avec mon cœur. J'ai un ton que je n'ai pas normalement ici sur l'émission. Mais je suis profondément bouleversé par ce que je vois, autant les agissements qui s'est passé là, que la réaction de certaines personnes que je trouve scandaleuses. Scandaleuse. Alors, suivez ça de proche. Vous avez des tonnes d'informations sur les sites du Québec où toutes les dernières mises à jour de l'actualité à propos de cet événement-là sont en ligne. Allez voir ça. La Turquie qui a déclaré que les prochaines missions humanitaires vont être escortées de bateaux de guerre militaires. Alors, on est en train de se diriger vers une guerre ouverte entre Israël et la Turquie. Ah oui, ces gens-là, tout leur est permis. Vous avez même Israël qui a volé à plusieurs reprises au-dessus du territoire libanais. Vous avez même le Liban qui a dû répliquer et puis ouvrir le feu sur ces avions-là qui violaient leur espace aérien. Alors, ils font n'importe quoi. Je veux dire, ils s'en vont en eau internationale. Ils arraisonnent des bateaux où ils n'ont pas le droit. Ensuite, ils s'en vont au-dessus du territoire aérien libanais et puis le violent à plusieurs reprises. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ces gens-là... Ils ne sont pas empêchés, ils ne sont pas soumis aux lois internationales, ils sont au-dessus de tout. C'est beau de voir ça. Et puis, vous avez pendant ce temps-là des gens, comme je vous disais, scandaleux. À peu près 300 personnes du Congrès américain qui ont déclaré un engagement indestructible du lien entre les États-Unis et Israël qui supporte ce pays-là. Obama, qui est le seul président, le seul chef d'État de la planète à ne pas avoir réclamé que ces 9 Américains soient rapatriés le plus rapidement possible. Obama qui dit étudier l'affaire. Incroyable. Incroyable. Gouvernement américain qui n'est même pas en mesure de défendre ses propres citoyens. Tous les autres pays du monde ont déclaré à Israël, hey, tu leur donnes nos prisonniers parce que là, mon petit bonhomme va avoir des conséquences. Tous les pays du monde protègent leurs ressortissants, okay? Leurs citoyens. Un seul pays est sous la coupe. Le pouvoir sioniste, le lobby pro-israélien, tellement que vous avez un président qui est là et n'agit même pas pour protéger ses propres citoyens. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Alors, vous allez trouver une mine de vidéos. Allez voir toutes les sources. Je veux dire, vous avez beau regarder toutes les deux côtés de la médaille, là. Vous allez vous rendre compte assez rapidement de ce qui se passe. Vous avez des sources, des témoins qui étaient là, des gens qui ont parlé. Vous avez des photos. Tout est documenté. On a beau mentir, à un moment donné, des photos, c'est des photos, des vidéos, c'est des vidéos, des évidences, c'est des évidences. OK? C'est assez facile pour vous rendre compte par vous-même de ce qui s'est passé là et qui est un acte inacceptable. Vous savez, même selon des sources turques, une liste d'assassinats qui a été retrouvée, qui a été échappée par un soldat israélien sur un des bateaux. Alors, on avait une liste des personnes à abattre avec leurs photos, leurs noms. Ça fait dur. Et vous avez ici une autre vidéo de une autre chaîne de télévision où on montre le déroulement des événements, très important à voir, des documents qui remportent un paquet de photos, comme je vous dis. Et vous avez la Navy israélienne qui a déclaré que la prochaine fois, on va utiliser encore plus de force parce qu'ils se disent scandalisés que les gens leur ont résisté. Okay? On dit, hey, ces gens-là, ils nous ont attaqués quand on est descendu sur leur bateau. Tu n'as même pas le droit d'embarquer sur le bateau. Allô, champion? C'est interdit par la loi internationale. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr qu'ils vont se défendre. N'importe qui se défendrait. N'importe qui en international se ferait aborder par un autre groupe de commando, se défendrait. Voyons donc. Après ça, ils disent se défendre. Les mots manquent. Les mots manquent. Les mots manquent. Vous avez l'Égypte qui a ouvert son côté de blocus parce que l'Égypte avait son propre blocus aussi. Je veux dire, là, on a décidé d'ouvrir les frontières et puis de laisser passer les Palestiniens. Bravo l'Égypte. J'espère que cette fois-là, ça va rester ouvert plus qu'une couple de jours. L'Égypte, pas très grand frère là-dedans, là, je veux dire. Et puis, ben, écoutez, c'est à peu près ça, là. Je veux dire, allez voir le reste de ces nouvelles-là. Et puis, on va suivre ça plus en détail. Les bateaux qui se sont fait attaquer, les bateaux qui portaient des pavillons de la Turquie, de la Grèce, des États-Unis. Et, chers amis, des bateaux qui battent pavillon d'une autre nation dans des eaux internationales n'ont aucune obligation, il n'y a aucun droit qui permet à notre nation, à un autre groupe, d'arriver à ces bateaux-là, puis de leur donner des ordres, de les arrêter, de leur faire faire quoi que ce soit, en plus de monter à bord et puis d'ouvrir le feu dessus. Alors, il y a des lois pour tout le monde ou il n'y a pas de loi. C'est ce qu'on voulait que. C'est ça qui est ça. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez parler autant que vous voulez pendant des heures et des heures. Je veux dire, on retourne tout le temps à la question de base. Je veux dire, c'est un acte illégal et immoral. Est-ce que c'est antisémite? Ben non, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. My God! My God! Alors, je vous quitte là-dessus. Et puis, j'espère que vous allez passer une belle semaine, malgré tout. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. Moi, je vais rester ici un peu plus longtemps que prévu. Je fais mon retour seulement qu'à la fin juin. Alors, vous allez avoir droit à une autre émission la semaine prochaine. Et puis, je vous confirmerai le reste pour l'horaire officiel. Alors, moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. Bye-bye. Comme ça, shake comme ça. Sinon, pourquoi ta taille shake comme ça? C'est fake, mon gars. Quand tu nous dis sur ton démo, démo. Suce ma bite, signé le Gémeaux, Timo, Big Ben. peine et le reste du métro. On représente, explicite, nous tester et vite ça. Ayant 3 de 20, on met le cap sur la victoire. Victoire. Sans le drapeau blanc, c'est pas 30 ans. 30 ans. Et j'ai mon sang de la charge sur ton territoire. Euphorie. Je te le pète en pleine face quand j'ai fini de boire. T'es balafré, mais toujours pas ton limandana. T'es welcome. Personne, j'ai jamais vu ça. J'oublie ça avec un 3 points. Fuck les joints de fil. Ayant Québec, go. J'allume le mic comme un spliff. Y'a quelque chose qu'il faudrait vraiment que je te dise. Bitch, bitch. Mets ta bouche par où je pisse. Tu reconnais mon style, de quoi le mortel comme j'ai promis plus de trucs qu'un X-Files. Je veux plus être mon mic, mon 40, mon blunt pis mon crowd. J'viens toujours avec mes bandits, ma musique est loud. Bad, bounce, avec la tactique toujours down. Pour une soirée d'alcoolique passée dans le downtown. Toujours live, quand j'prends le mic, j'suis pas assez might. Dans l'art de faire lever les foules pis c'est tight. J'veux vivre la crise d'octobre comme Pierre Falardeau. Les mesures de guerre c'est sale en capital à chaque show. Pas pour rien qu'en 99 y'a une émeute après le show. Pis que le lendemain on en parlait les journaux. C'est comme ça que je chill, c'est comme ça que je feel, c'est comme ça que je chill. Avec mon folie, comme ça je suis tranquille, j'ai pas de stress. Puis à partir de là, je m'encrise du reste. C'est comme ça que je vis, puis ça se reflète dans mes textes. Mon mic, c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai pas, ça m'aide à oublier. Mon plante, puis j'ai le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie et mon plante, mais c'est ça ma vie. Mon mic, c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai le bois, ça m'aide à oublier. Mon plante, puis j'ai le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie et mon plante, mais c'est ça ma vie. La soirée sous mort, je ressuscite à chaque matin avec un gros joint. Je sais si on sera le plein. J'aime le shit cristallisé, fumé aromatisé, attisé, au THC baptisé. Quand je prime mon mic, j'suis tout le temps blunté. J'suis aussi avec un ballon de foot qui se fait punter. J'suis réputé au black pot député. Ça fait longtemps que c'est légal dans mon comté. Avec BIC, pas question que tu gaspilles. On fume tout jusqu'à temps que le punch crie. Que ce soit de l'hydro, M39 ou double zéro. J'roule tout ce que j'ai dans un gros ringo. Amigo, viens avec moi fumer un félé. Sous bon revers de Bélis, un check-in des ladies. Puis quand les cops me suivent, y'allume les cises. J'crois ces MCs comme des insectes sur mon parc. J'keep my head up, j'suis fier de ce que je représente straight up. Même si j'passe pour un bum quand j'parle de rap et de blunt. On me dit que j'fais partie d'une génération perdue. Qu'est-ce que tu veux que ça me crée, c'est moi, le rap c'est ma seule issue. Mon folie, mon seul remède, t'appelles ça un problème. La solution faut que tu comprennes, ma vie c'est moi qui amène. Y'en a qui veulent me censurer parce que j'parle de drogue de bandit. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise, man, c'est celle que j'vis. Puis c'est pareil pour mes chums, environ la moitié qu'on pourra appeler des travailleurs autonomes. J'fais pas dans le fake, pourquoi j'te parlerais d'amour quand j'sais que les haters guettent ma mort comme des vautours. J'te parle de street life, de réalité, parce qu'il y en a pas mal que moi qui ont la même mentalité. Puis je le sais que ça te fait chier quand tu me vois débarquer avec mon mic, mon folie et mon plan. Pour toi c'est danger. Mon mic c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai le bois, ça m'aide à oublier. Mon plan, puis j'ai le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie et mon plan, mais c'est ça ma vie. Mon mic c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai le bois, ça m'aide à oublier.